En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 24, Mart Vero, le numéro 31, JF Mallette, le numéro 98, j'ai fucké mon ordre, Alex Galipo. Et le numéro 75, number 75, JF Krohn. Yeah! Ouais, j'étais mélangé, j'étais pas habitué de pas avoir Dave en deuxième, ça m'a comme... Fait que oui, ce soir, désavantage numérique, messieurs. Manque deux gars, mon frère qui a fait sa run pour l'année, je pense. Ouais, c'est ça, il a fait son podcast. C'est ça. Dave blessé au haut et au bas du corps en même temps. À la fois, à la fois, le haut et le bas. Le nord et le sud. Hein? Ouais, ouais, ouais. Il joue des deux sens de la glace. Ah, il donne des deux sens. Ah ouais. C'est un giver. C'est un giver. Puis sur ça, on va aller faire l'entraque. Pas l'entraque, l'avant-match. Et oui, on va faire les positions du pot la soirée du podcast. On vous rappelle que 1er décembre, vous avez deux échanges, c'est bien ça, JF? Exact. Faites attention, c'est le temps d'échanger vos bois de bois morts, votre bois mort. Les bois morts, les boiteux. J'ai comme la gueule molle, j'ai bu déjà deux bières. Caline. Écoutez, ça va bien. Première position, c'est M. Philippe Boivin-Tardif. C'est qui ça? C'est beau. 380 points. Ah ben, on te salue, la soirée du podcast te salue, man. Bravo. Numéro 2, c'est la belle et sensuelle Caroline Langlois. Oh! La sensuelle! La sensuelle. Elle est partie pour la gloire. Sensuelle. Elle est partie pour la gloire. C'est beau ça, mais j'espère qu'elle va continuer de me faire des soupers. J'espère qu'elle va avoir le temps de me faire encore elle des soupers. Elle va checker ses échanges avant. Là. Hey, wow! Hein. Moi, je pense que c'est le deuxième point. Ben, moi, le mardi soir, là, je vais avoir ma crème brûlée encore. Là, OK? Eh oui, ben oui. Mon petit beurre au citron. Numéro 3, c'est M. Yannick Wissel. Yes. Numéro 4, notre Français de France, Thibaut Ève. Et c'est Monsieur Thibaut Ève. Chapeau. Ouais, il nous a liké aujourd'hui. Famille Ève, prénom Thibaut. Il a liké ton mallette update numéro 8. Ah, c'est ça qu'il a liké. Je pensais qu'il avait liké la page. Numéro 5. Merci, Steve Collette. Oh, mon boy, man. C'est lui qui me représente finalement dans le pool. Là, yes, good job, Steve. Puis pour nous autres, les boys, le premier dans notre gang, c'est votre le serviteur à moi. Quelle position? Combien, moi, Alex? 14e. Oh, Dave est 16e. Oh! Après ça, attendez, je vais aller descendre. Ah, c'est bon, moi, j'étais encore dans les 30. Alors, Martin, Mark, t'es 21e. Ah, c'est pas payé, Mark. C'est bon. Après ça, top 20. Attendez, il faut scroll. Alexandre Chrome, 36. La mallette 40. Oh, j'ai augmenté de 10 positions depuis deux semaines. Ouais, mais t'es quand même toi qui a fait la poule, t'es 40e. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça, des blessés, j'ai pas le contrôle là-dessus. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Puis à numéro 48, on dirait pas trop fort, c'est GF. Fait qu'on a comme switché de place, toi, puis moi. Oh, on s'interchange. Puis la dernière position, c'est qui? Ah, ça, c'est. La personne qui a fait ses choix. La personne qui écoute les télé-réalités ici. Caroline de Boussmal. Celle qui a fait les choix avec les noms de joueurs. Elle était pas première un moment donné. Non, pendant une journée. Elle était première d'une journée. La première de la journée. Ah, oh, OK. Je pensais que c'était le cumulatif. Non. Faut pas y donner un petit bonbon de temps en temps. Il y avait juste une game, c'était ses joueurs qui jouaient. Avez-vous de quoi à dire, vous autres, ou on y va de straight pipe, let's go, on prend de quoi à dire? Moi, c'est l'avant-match, c'était ça, là? C'est ça, là. Voulez-vous revenir sur le Geek Fest, les gars? On ben parlait par la si, je pas sais là, pas de quoi à dire. On t'a au Geek Fest, c'était le fun. Ah, le Geek Fest, ouais, c'était cool. Ça sonnait comme si on était dans un IGA, là. C'était dans une fois. Top, on était comme, on dirait qu'on a fait le show dans le biodôme, man. Des feuilles qui tombent, ouais, c'est exactement ça. Des feuilles qui tombaient sur la terre. C'est quoi le climat, genre, c'est forêt laurentienne, style? Tropical. Non, c'était pas tropical. C'est vrai qu'il faisait un peu frais. Ouais, c'est Boréal. Non, Boréal. Boréal. Au nord du 47e parallèle. Ouais, c'est ça. C'était cool. C'est ça. C'était cool, on a vu comme plein de monde bizarre. Ouais, on a vu 3-4 de nos fans. Ouais. Ben, c'est cool. C'est eux autres que je parlais, là, les bizarres. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va aller faire la première période. Donc le Canadien qui fait très bien en ce moment, messieurs. Ouais, pas super. On a eu même notre première série de défaites solides là, dans cette vague de matchs. On a eu victoire en 5 matchs. Ouais, exact. Excuse, qu'est-ce que tu as dit comme stat, ça? 4 défaites en 5 matchs. 4 défaites en 5 matchs? Fait que, on va résumer, dans le fond, les matchs entre les deux podcasts. 12 novembre contre Détroit, une belle victoire de 5-0 avec Price Annette. C'est la game qu'on était au Centre. Parce qu'on était là. À chaque fois qu'on y va, C'est toujours des bonnes games. 5-0, on a vu 6 buts. Il y a eu un but qui avait été refusé. Bonne game, je sais pas. Ah ouais. Ben, bonne game, c'est un sens unique. Là. Ouais, c'est genre, t'as pas d'opposition. Ouais, okay, c'est facile, on a gagné. Yeah, mais ça a été. Tu sais, comme la game contre Toronto qui finit 2-1, c'est plus excitant. C'est le fun parce que. C'est dans la poche. À la fin de la troisième période, c'est comme. Whatever. Il y avait des buts où t'es content, on cheerait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu cheers sur 5 buts, mais après ça, Chris, t'as pas d'opposition. T'as pas de ah, wow, man, on l'a arraché, on les a plantés. C'était la game à tête d'un bord. Il y avait un gars qui avait un chandail de ses catch. Non. Oh, man. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça me traumatisé. Who the fuck? Un chandail de ses catch. Ça, c'est comme avoir un chandail de ses catch. Son chum avait un chandail de Cole. De Plicanet. Pendant qu'il y avait une vente au supermercado. Ok, mais là, peut-être que le gars, je sais pas, c'est une affaire à rêve d'enfant. Ouais, ben ça, je pensais, mais tout. C'est ça, je disais à Dave et tout, quand on marchait, on va dans les toilettes. C'est genre, il a pogné le gars qui fait comme j'avais acheté un chandail de ses catch, si je le veux plus. Fuck off, t'es. Donne ça aux bonnes œuvres. Ouais, mets ça dans le container là-bas. Ouais, c'est peut-être ça. Ah ouais, c'est sûrement ça. Il y a Dave dans le chat qui nous dit « Ah ah, esti, bonjour les boys, Dave T. » Dave T. Dave, mange-toi une petite soupe tranquille. Ouais, puis il y a Seb de Boulevard Brutal qui est là aussi également live en ce moment. On a hâte d'avoir ton review du livre de 110%. C'est clair qu'on va le réfléchir dès qu'il est prêt. On va entendre ça, là. Fait que pour poursuivre les matchs après ça, 13 novembre, le lendemain, contre Chicago, une défaite de 3-2, Montoya des nets. Ouais, mais ça, c'était pas si pire pour de vrai. Montoya, pas, moule sac. On s'est bien battu, Chris. Ouais. C'est loin, Chicago. Ouais, ben. Pas juste Chicago, ça. Ça, c'est un assez bon commentaire, J. Ouais, c'est loin. Okay. Ah, c'est le fun, mais, les gars, ils voyagent plus. L'arrêt d'entrain. Train. La bonne ride la fameuse ride en train. Montoya, au moins. C'est plus dans le temps du Rocket, le gros. Mais c'est lui qui a dit des vieilles affaires. Il se déplaçait en train et il se mettait chaud dans le train. Là. Ouais. Ben, il y avait rien que ça à faire. Là, s'il voyageait 15 heures, Chris, en train pour aller jouer à Chicago. Hey, ça devait être long en esti avec des bancs en bois. Tabarnak, oui. Il y avait un coussin attaché. Jouer aux cartes, ma perte, ma blouse, ma chemise. Va donc chier. Après ça. OK, après ça, le 15 novembre contre la Floride, on a défaite en prolongation de 4-3. Ben, ça, on l'a échappé en esti. C'est ça qu'on a échappé? Un mélange. Contre Ottawa, ben, on perdait, puis on a égalisé 3-3. Non, c'est, ouais. Ah oui? OK, c'est Hurricanes qu'on a échappé en troisième période. Ouais, t'as dit ça. C'est l'autre. On a arrêté de patiner. Ouais, arrêtez de patiner. C'était plus bon, ça, la rondelle, là. Ouais. Non. Hey, Seb fait dire un Chris de mon livre, les boys. Ah, 110%. Ouais. Ça doit. Il doit avoir du contenu très intéressant. Je pense que j'aurais demandé pour Noël. Intellectuel. Livre, et... Il doit avoir du t'as pas ça, toi, ta bibliothèque magique? Hey, je peux checker. Ben, je prends rien des bio plates. Pensez-vous qu'il y a du genre du le salace. Bagarreur de Mario Tremblay. C'était bon, ça. C'était Mathias Brunet. Ben non, mais lui, c'est ça là qui m'intéresse le plus. Il y a ça de Mario Lemieux qui est comme moins le fun un peu. Là. Ben, ouais. Celle-là de Wayne Gretzky, c'est vraiment de la merde. Je suis pas capable d'avancer dedans. C'est genre un livre, là, Les Éditions de l'Homme. Asti que c'est mal écrit. Puis Wayne Gretzky, là, il parle dans son livre là, de la manière que. Ben, c'est une traduction française. De la manière que c'est écrit, là, c'est pénible, mon gars, parce que c'est vraiment. Il est en anglais, tu sais. Ah, même en anglais, là, c'est cheesy, mon gars. Là, comment c'est écrit, là, c'est comme « Oh, oh, oh, j'ai bien ri quand j'avais rentré dans l'avion et j'avais vu qu'il y avait autant de nourriture. » Tu sais, c'est genre des affaires dans okay. Comme, okay, oh, my ouais. God, c'est plate. C'est écrit des enfants de 12 là, ans. Là, tu me donnes le goût. Ah, c'est poche, man. Puis il y a l'air, c'est cabotin. Là. Après ça, 18 novembre, contre la Caroline, une défaite de 3-2, Montoya. Ah, celle-là, on menait 2-0. On menait 1-0. Là, elle est échappée, celle-là, là. C'est vrai. Mais contre la Caroline, ça soque tout le temps. Non, mais man, ils sont sur c'est comme une bête noire. Jusqu'à temps qu'on les a battus. Ils ont gagné 5 matchs de suite après ça, ou la fois la même. Non, mais c'est une game qui est prédestinée à être plate. Là-bas. Ouais, là-bas, ici. Si jouent aussi, c'est correct. Ouais. Mais la Caroline, ça fait dur en tabarnak. Ben, même ça, c'est plate en tabarnak. Ouais, c'est moins pire que les Devils. Ouais, c'est égal, moi, je trouve. C'est dans la même braquette, moi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est égal. Comme Buffalo. Ils sont sur le même plateau. Les games sans saveur. C'est pas si pire que ça, là. Come on, ils ont Skinner, après patine. Après ça, on a joué contre Toronto, la victoire de 2-1 avec Price et Net. Ah, that was cool, though. Là, on a une vidéo à vous montrer ici pour celui-là. On parle ici du cross-check de Alexis Yemelin et on veut savoir est-ce que c'était sale ou pas sale. En fait, c'est pas vraiment un cross-check. Il a plus poussé dans la bande. Là. Ouais. Fait qu'on va vous montrer ça. Oh, c'est fini. C'était trop vite. Voilà. C'est après. Ah, ça, c'est une mêlée sale. Check ça, y a rien là, Sty. Un peu, maintenant, ouais. Il a juste poussé un peu. On va repasser dedans encore, ouais. On va le revoir une couple de fois, là. C'est il ça. Il parle la pénalité, fucker. Ben oui, il a sorti du match. Ah, voilà. Checking from behind. En fait, il a sorti tous les joueurs du match. On va la revoir, là, j'imagine. Là. Je vais la... Ah, c'est ouais, qu'il dit, t'es toute ta pète, t'es toute... Enlève-toi, tu sais. Ramasse tes dents, puis viens. Viens, t'as... Pogne ton épipène, puis away. Ouais. Fait que, on va sûrement la revoir, c'est pas long. Là. Oui. Voilà, on va revoir, là. Oh, que, yeah. Il va juste le pousser un peu dans le bas du dos, tu sais. Il fait juste, tu sais... C'était cochon, Westy. Pas cochon, hey, pas. Ben oui, c'était cochon. En qu'est-ce qu'ils sont faire? Laissez aller, man. C'est la fin de game, justement. Ils ont enlevé le goaler. T'es supposé de rien faire, toi. Laisse-les aller il chercher la rondelle. 5 secondes à mise hey, man, au tu réalises une affaire, là. 5 secondes, tu peux scorer. Je réalise une affaire, Emeline. Là, non, non. Toronto, Toronto, Toronto, c'est Toronto. C'est pas grave. C'était à 6 contre 5 à 5 secondes, sinon il égalise. Toronto. Là, toi, tu toucheras pas, tu vas le laisser aller chercher à la porte. Ben non, mais il y a une manière de le faire. Comment? Nécessairement... Dans cette position-là, comment? Tu joues la rondelle, Chris. Tu peux pas jouer la rondelle, il est en avant de toi. Ben, parce que Emeline. Non, non, il s'est tourné le dos vers lui, man. Il s'est mis face à la bande. Martin, tu vas peut-être vouloir être d'accord avec moi, mais en fin de game, demain, c'est cochon frapper un gars de dos. Quand tu vois le numéro, t'es pas supposé de le fesser. Pas rapport, man. Non, non, mais. Fait que moi, je te joue à gauche, je te présente tout le temps mon numéro. Ah, tu peux pas me non, mais il est face à la bande, Esti. Pourquoi il a pas été suspendu puis il a cause de ça? Il a pas mais malade. Un geste, je te dirais pas qu'il est illégal, mais comme principe, là, la loi non écrite, là, tu fais pas ça. Justement, comme t'as dit, c'est Toronto. On a une rivalité, on fera pas. Oh, c'est correct. Comment que le monde aurait réagi si ça aurait été le contraire? Mettons que Yemlin, ça se rentrait dedans. J'ai réagi que j'aurais été en crise. Ben c'est ça, c'est un coup de cochon, ben, t'aurais dit. Ouais, mais c'est un move c'est un j'aurais move. C'est un move sale. L'autre, c'est le gars de dos. Non, l'autre, il se met dans cette position-là. Il se calisse de dos en avant de lui. Ouais, mais tu sais, il s'en est à la rondelle. Puis Chris, t'as-tu vu en poussant? Ouais, il pousse, puis l'autre, il se... Ouais, mais quand tu roules, t'es en patin, là, tu le pousses, là. Ben non, il essaie. Le gars, il déjà sprint en arrière. Il essaie de se ramasser un deux, l'autre, en se collissant dans la bande comme un épal, moi, je pense, là. Hein? Parce qu'il l'a pas crush checké, il l'a poussé un peu, puis il l'a poussé un peu. Hey, mais quand Emeline te touche, ça fait mal en crise. Quand il a touché à Souban avec son cul, il l'a comme blessé au cou, genre pour ouais, un peu de longtemps. Hein? Il veut pas, il est fait solide pareil. Là. Hey, ouais, tu sais. Il fait mal. En fin de game de même, pousser un gars de dos sa bande, ouais. Ça a fait ça. Il avec mon cul. Le gars n'aurait pas poussé sa bande sans la pousser. Là, une couple de minutes avant, Martin, il a blindside. Mais ça aussi, c'était cochon. C'est ça, Toronto Montréal à CBC. Je sais, mais ça n'empêche pas de dire que c'est un move cochon. J'aurais fait le même. Vous en voulez plus de combat dans la Ligue nationale, ces affaires de même qui arrivent. Ouais, mais check la prochaine game contre Toronto. Check la prochaine game, voir comment ce que c'est. C'est pas fini, cette histoire-là. Arrête, c'est pas fini. Il a pas été suspendu. C'est sûr, il y en a qui sont rankinés. Pense à moi, cette game-là, ce soir. Ils vont essayer de le plaquer, that's it, ça finit. Ouais, non, ça va aller plus loin. Ouais, cross-check dans la face. Peut-être un coup de bois. Non, ça, c'est exagéré. C'est pas si cochon que ça, man. Ouais, hey, donc t'exagères. Qu'est-ce qu'ils ont passé à la soirée, Esti, à dire que c'est un coup de cochon, l'équipe non, de Toronto? Ben oui, en conférence. On s'en fout de Toronto, mais... Les autres disaient rien, Martin, qu'est-ce qu'ils disaient ça? Puis Martin, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ils disaient rien aussi, mais ça n'empêche pas que c'est un coup de cochon. Non, mais ça n'empêche pas que c'est un coup de cochon. Toi, tu trouves que c'est un coup de cochon? Oui, je trouve ça un coup de cochon. Hey, moi, c'est vrai de mes joueurs, je me lèverais en esti. Ben oui, mais c'est normal, mais ça arrive, ces affaires-là. Toi, Emeline, c'est parce que tu l'aimes pas. Non, ça n'a pas rapport avec Emeline, je l'aime pas. C'est juste que c'est un coup, genre, dangereux pour absolument rien. S'il n'avait pas fait ça, il aurait scoré. Non, puis le gars, il aurait passé à Puck en avant 19 par an. À Davy Surprise par an. Il n'était même pas en position pour le faire pour commencer. Il fait juste un esti back. Backpass en arrière, puis à Davy, ça a pad à Price, puis ça rentre. Ben non, comment? Ah non, non, mais là, j'ai à cause que t'as pas fait ça. Ta non, job, mais non, mais non, t'as mais pas séparé le joueur de la POC. Alex. À cause de ça, il y a un but. Je te dis juste. Oui, il a renvoyé par la bande en arrière du net. Whatever, man. Whatever, man. La manière qu'il est positionné, il n'y a pas de danger qu'il fasse un jeu pour que la POC se retrouve en avant. Ben check bien ça. Moi, j'ai pas mon dire là-dedans qu'il y a tout le temps deux côtés de mise en échec de même. Il y a le gars qui se met d'une position vulnérable, puis il y a le gars qui profite d'une position vulnérable. Il y a deux personnes qui profitent là-dedans. Mais il y en a un autre qui est pas mieux que l'autre, qui se met d'une crise de position, tête baissée en avant de la bande. Puis il n'a pas de cross-checker dans le dos. Là. Asti, il a juste poussé un peu. Il s'en va jouer. Il a poussé pareil. C'est sûr, il a fait le move. Il va le rentrer. Faire quoi? Le regarder jouer, man. Ben oui, il va faire comme jouer au hockey, Asti. Le gars est en mouvement vers la bande. Puis quand tu le pousses, là, tu le fais accélérer, le gars, ses patins. On veut vos commentaires. Ça a fessé. Je dis pas qu'il mériterait une suspension, puis tout ça, puis que c'est ça qui ça finit de même. Mais c'est juste que je trouve que c'est un coup chiant. C'est cochon. Quand tu contre Toronto ou Boston, tout ça, ben c'est ouais, bien mais correct. Quand ça arriverait le contrat sur nous autres, on dirait tellement faire « Ah, oh, c'est un petit coup sale. » T'sais, si quelqu'un fait ça à Radoula, ah, là, on voit des problèmes. T'es délicat. Ça revient au même. Tu t'es blessé, gars, pas peur. Non, mais ça aurait pu, man. Tu sais jamais. Il a essayé de blesser Beaulieu. C'est assez parlé de Emeline, là. Ça va faire. Fait qu'on va passer à l'autre game après. Contre Ottawa, une défaite de 4-3. Deux petites vidéos dans cette game-là, d'ailleurs. Oh, du contenu. Ouais, Price était dans les nets et Beaulieu avait la pox à la gueule. Fait qu'on va regarder ça ici. Fait qu'on va voir Beaulieu recevoir la pox dans la gorge ici, là. Il est passé à l'hôpital, il est pas revenu au jeu depuis ce temps-là, d'ailleurs. Hein. Il a pas l'air si mal que ça. Ouais, la misère, pardon. Ça a comme coupé son saut, mais il est resté sur la glace comme un brave. C'était un plus. Puis après ça, c'était plus capable. Il est quand même petit, mais c'était un peu. Chambrant là, mon gars. Non, mais tu dois avoir un petit bus sur l'œsophage. On va le voir ici. C'est sûr, ça va pas du bien. Là, ça veut dire l'air passe plus, ça. Il cherche. Il était pas capable de respirer, sinon il. On va l'envoyer ici. Par le nez, son mec. Check ça. Ping! C'est quand même spécial que la POC a levé de main direct. Il a brillé son bâton. Ah, ok. Ouais, un gargoton direct. Là. Ça l'explique tout. Ouais, ça fait mal. Donne, ça peut vraiment faire craquer ton œsophage. Ben, ouais. T'as traché. Ouais. Ouais. Ben, c'est moins pire que si, mettons, il y aurait eu un lancer du poignet. Moi, j'ai déjà mangé un coup de poing dans la gorge, ça fait mal en tabarnak. Puis t'es pas capable d'avaler pendant 3 jours. J'ai déjà reçu une balle de paintball dans le milieu de la gorge ici, puis ça faisait mal. Puis j'avais le bleu dans la gorge. Puis ouais, c'est douloureux. Ben, la bouffe passe mal, comme si. C'était serré, là, comme je donnerais pas de référence de serrage, là, mais... On va se remonter un peu dans la bonne humeur. On va regarder le but de Radu dans cette game-là. Radu qui avait été sur le KO pendant une couple de game. Fait que là, soyons tous bandés sur le but de Radu en ce moment. Je suis prêt. Je vais le reculer. Je ne sais pas comment ça y avance. Il connaissait le gars dans le coin. Là. C'est son compatriote. C'est son nom. Hey, mon oncle! Check les travailler. Il travaille pas en maudit. Il travaille, passe le gars, passe le défenseur. Je l'abandonne pas, voilà. Un esti de goal. Il a pas eu peur de foncer sur le tas. Là, ah ouais, fuck off, hey, je comprends. Hey, Panzer. T'sais, on a eu 3 défaites pendant que Radu était pas là. C'est une méchante bougie d'allumage pour le team en ce moment. Oh, ben, on est encore. On manque énormément de profondeur dans nos attaquants à l'heure actuelle. Oh, bon. Ben, c'est vrai, Chris. Tu perds un gars, t'es dans la merde. C'est juste c'est le temps. Check-moi comment il est content. Le temps, Chris, le temps? Non, t'es dans une mauvaise passe pour plusieurs joueurs. Puis... On va le revoir ici, le but dans un autre angle. Là. On va le voir ici, il passe le défenseur. Ah, ça, puis Chris, tabarnak. À la Radu. Il a repris son retour, il a shoté. Ah, mais c'est fou comment il a chargé le net, pareil. Ah, ça, c'est mon goal, là. C'est Hoffman qui s'est fait servir une tasse de café, 2 sucres et 2 laits. Ah, Pajot était sur la glace. Le deuxième effort, là, il y a 2 minutes. Byron était sur la glace. Pajot. Et dernier match, celui d'hier contre la Caroline, victoire de 2-1 avec Price dans les nets. Alors voilà, c'est l'affiche du Canadien en ce moment. On est quoi en ce moment? 18-19 victoires? Non, on est le 25. 14-3-2, je crois. 14-3-2. Puis 8-1. Fait qu'allons-y avec nos plus et nos moins en faisant un petit tour de table. Alex, ton plus des deux. Dans... il est bon défensivement. Il est full là, à la radio de Radio-Canada. Mon plus ira à Thomas Plekanec. Pour son jeu défensif. Mon plus. Son jeu défend à fif. Défend à fif. Et voilà. Défend à fif. Mon plus, il y a tellement de moins dans cette équipe-là. Présentement, mais. Focus, c'est plus. Mon plus au gars qu'on vient de voir son beau petit but parce qu'il donne vraiment un effort constant. Parfait. Et je l'aime. Constant, j'aime ton plus. Hey, 46, c'est pas le numéro de Stéphane Lebeau, ça? 46, c'est pas le numéro de Costitine, oui. Ça? 46, c'est Stéphane. 57. Brunet avec le beau derrière. C'est juste un genre. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu le 47, puis je me disais, Chris, c'est le beau, ça. C'est oui, c'est le beau. J'aime pas que ton plus, GF. Markov. Pour vrai? Ouais, Markov. Hey, Markov, là. Ah, il a retrouvé. Comme ça fait tellement ça. Come on, guys. Non, il est. Alors, tu peux le donner. Premièrement, genre, tu sais, oui, c'est vrai qu'il est vieux, mais tu sais. Il joue bien. Hey, ça, c'est une affaire que tu peux. Pas y enlever, c'est qu'il est vieux, ça c'est sûr. C'est... non, ouais, mais c'est il est ça. Moins pire que mais malgré sa vieillesse, il est toujours pas positionné. Chris, les petites passes à Weber, là, elle rentre en tabarnak. Ouais, après mais ça, on se rend compte qu'à défensive, là, on est chambranlant, puis qu'on cherche, puis on pivote en esti. Non, mais on a besoin d'un autre. Ouais, c'est ben ça, mais ben, on a besoin d'un peu d'aide. Markov, là. On se rend compte qu'il est encore dans la braquette des bons défenseurs. Il est en top 4. Ben, il est dans le top 4, mais tu sais. Sur 5. Ben, peut-être l'année prochaine. Non, mais peut-être l'année prochaine. Il reste très bon, en tout cas. Il est bien efficace. Bon sur le powerplay, il fait un job. Ah, ouais. Malgré c'est le fait bon qu'on choix, était sur une mauvaise séquence, il a quand même bien paru, à part le game contre Columbus. Pour le ski du reste Markov. Ben, quand tu regardes le big picture de Markov, tu dis, ben oui, c'est correct, c'est normal ou ski. C'est un bon retour sur ton investissement. Puis t'apprends quasiment ben... convaincre que je signerais une autre année, mais ah, tout non, dépendant de quel prix. Ah, je te prie là, ben, sinon, je le protège même pas pour l'expansion. Ben, t'es pas obligé de le protéger parce qu'il est même pas signé. Il est autonome l'année prochaine, mais, ouais, mais, ça, mais il peut le qui prendrait sa place? Qui prendrait sa place non, à Markov? Ben, qui va jouer 22 minutes par game? Il y en a même pas disponible sur le marché. Ben là, Marc Bergevin est à game de San Jose. Ah ouais, François Beauchemin. Ben, qui va aller chercher? Vlasio. Barberio avec sa moustache de Freddie Mercury. Ah, c'est des rumeurs. Ah, j'ai bien aimé mais, Barbara. Il y a beaucoup de rumeurs mais sur les deaths en ce moment. Ben, il y a plein d'affaires avec ça. Excuse, on va juste aller un petit peu sur le sideways. Ouais, vas-y, vas-y. Mais si tu vas chercher un bon défenseur, mais là, il faut que tu le protèges, right? Ouais. Tu sais, ça peut changer. Là, ça va dire que tu vas protéger Weber. Tu vas protéger Petrie, le nouveau. Petrie, t'es obligé de le protéger. Tu vas protéger le gars que t'es allé chercher. Fait que là, tu protèges déjà trois défenseurs. Mais Petrie, il signe encore pour un bout, anyway. Beaulieu, tu le protèges-tu? Ben, si c'est un autre défenseur, ça dépend c'est qui. Mais bon, là, ça veut dire qu'elle s'est protégée plus de défenseurs que l'attaquant. Fait que là, tu laisses partir un attaquant. Ben non, tu ne protégeras pas jusqu'à 4 défenseurs. Là. À moins d'avoir 4 défenseurs. Tu viens d'aller chercher le gars. Là. Ouais, mais tu ne l'as pas cherché encore, le gars. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais faut que tu penses ben, à ça. Dépend, c'est quel gars tu vas chercher. Si on va chercher un autre défenseur, Beaulieu, je ne le protège pas. Beaulieu, je ne le protège pas. Hé, tabarnak. Ben non, tu le trade, là. Beaulieu. Ben si tu peux, c'est tu une monnaie d'échange. Mais tu, si on va nous chercher un autre défenseur qui est supérieur excuse, à Beaulieu. Qu'est-ce que tu veux dire que tu fais si tu le protèges pas? Il se passe quoi avec? Avec Beaulieu? Ouais. Ben, soit qu'il se fait repêcher par l'expansion ou sinon il reste. Ça veut pas dire qu'une équipe va aller le pogner. Là. Ça dépend comment l'équipe va être okay, composée. OK, toi, tu là. Parles en vue de l'expansion. C'est important présentement que les directeurs généraux, il faut qu'ils pensent à ça. Parce que s'ils vont en chercher ah, un, c'est pour ça que ça va bouger au deadline. Protège, là. Fait que ça va, ben, Beaulieu fait partie des joueurs que tu protèges en même temps. À date, oui. Dans le groupe de défenseurs qu'on a, Beaulieu et MLN font partie des joueurs que tu protèges. Ben non, Mark. Ben non, tu protèges trois défenseurs. Sinon, si t'en protèges quatre, c'est quatre attaquants, ça arrivera jamais. Ben, je protège MLN avant Beaulieu, moi. Ben. Mais c'est Weber, c'est sûr que tu le protèges. Petrie, t'es obligé. Petrie. T'es obligé parce qu'il y a une clause de non-échange. Ah, ben là, c'est Petrie d'abord qui passe avant toute la bunch. Là. Ben ouais. Puis après, ça, il voilà. Reste Beaulieu ou Yamlin, mais peu importe, à suivre. Faudrait que ton plus, Mark. Oh, Chris, mon plus. Yamlin. Yamlin? Tabarnak. D'abord. C'est bon. Tabarnak. Le tien, Jeff, c'est qui? Ouais, t'es Radou. Moi, c'est Radou. Radou. Il travaille fort. Yamlin travaille bien, là, pareil. Là. Yamlin, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Là. Honnêtement, je suis surpris parce que ça fait longtemps qu'il toffe sa première paire. Il est stable. Il est stable. Il plaque, ah, ben, man. Il fait mal. Il fait encore ses grosses mises en échec. C'est la ligne, numéro 1, Adi, elle pince. Je vais bien faire attention en rentrant dans le jeu. C'est ça, il va jouer contre le meilleur trio de l'autre équipe. Fait que quand ça passe, il paye le prix. Il voulait avoir depuis des années. Ses astuces par en avant. Pas. Il a l'air comme. Il a l'air un peu triso, man. J'aime ça. Genre, il est comme russe. Il a vraiment des dents. Il a vraiment des dents de Tchernobyl style. Oh, oh. Ben, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir dans l'Ouest. On s'en va dans l'Ouest. Il y a vraiment des palettes. Fait qu'on va aller avec nos moins. Comme un genre de râteau, man. Avec ton moins, Alex. Ah, c'est plaqué. C'est all the way. Ah, ouais. Pas le choix. Il y a Gallagher puis Pacioretty jusqu'à la dernière game. Ça, c'est un trio. Pour le vrai, il y a un trio de style moins, présent. Puis un trio qui fait partie du top 6. C'est les trois, il n'y a plus. Pacioretty, parce qu'il n'est pas embarqué, ça n'a pas du noir, puis ça a 3 ans. Non, non, ça, je m'en crie. Moi, je le supporte là-dessus, je m'en fous de ça. Mais la dernière, pour le vrai, la game contre les Hurricanes, ils ont bien joué, là, le trio quand même. Là. Mais overall, depuis le dernier show, les trois, waouh. Faisons JF avec ton moins. Moi, je vais y aller avec Nathan Beaulieu, Joel Henley et Craig Patrin. La troisième paire, est-ce que elle est dégueulasse. Mais Beaulieu, il cherche en crise. Pour... Beaulieu, il cherche, mais il dans techniquement... Patrin, c'est un peu rough. Patrin ne m'a pas impressionné, mais pas pantoute. Ouais, mais il n'a pas bien mal fait. Henley, fuck. Moi, ce que ben j'aime pas. Fuck! Patrick, Henley, je peux pas avoir aucune attente, man, de lui. Henley, la game qu'on est allé voir contre Détroit, je regardais aller, j'étais comme tabarnak. Il y a de la misère avec le 10, ça fait. C'est ça qui ont collé Barberio, là. La game avant Caroline. Ottawa, ben, il a été benché, genre. Presque toute la game, il est revenu à cause de Beaulieu, il s'est blessé. Ah, mais ouais, c'est ça. Ben, il est tellement sans confiance avec le puck. Il a joué 3 minutes pendant les deux premières périodes. Ah, il était dégueulasse. Oublie ça, ce gars-là ne revient pas à Montréal. Je n'ai plus voir ça dans la chambre. Il est épouvantable, ce gars-là. Beaulieu, sa constance, c'est pas là pantoute. Il m'impressionne pas. Puis Patrick, il n'a rien fait de bien. Il fait pas grand. Il fait pas du mal et tout. Il a pas d'identité, ça à glace. Ben, il a pas de chance. Il frappe plus. Quand il y a le puck, il n'est même pas capable de trouver le puck pour la première passe. C'est tout. Par exemple, Michel qui le met, qui l'enlève, Tu joues avec sa confiance. Tu joues avec son Laisse-les là parce que. Tu joues avec son yo. Ouais, mais à un moment donné, Chris, sa job, c'est de jouer au hockey. Si ta confiance, là. Ah ouais, force une coupe de game. Mais si pas one in, one out. Il est mieux de se grouiller parce que moi, je te prédis une chose. À partir de la semaine prochaine, c'est Zach Redmond qui va prendre sa place. Et ça, pour de vrai, toujours, moi, Redmond, je l'aime. Redmond puis Barbario, là, ça va faire une belle troisième paire. Ça va corriger toute la merde qu'on a eue pendant cette séquence-là où ce que notre troisième paire embarquait sa glace puis c'était quasiment tout. Un but automatique. Oh. Ben, ça va être déjà mieux. La transition va être mieux. But automatique, là, les nerfs, là. Ben, oui, okay, de façon, il était mauvais. À l'étranger, là, on n'est pas bon pantoute. Mais Radu n'est pas bon à l'étranger non plus. Ah, mais là, c'est deux passes. Deux passes, mais au moins, il fait de quoi ça. Donnez-y une chance, style à Patterson. Moi, je suis d'accord avec Marc. On est rendu au mois de décembre, là. Garde, fuck off, le Patterson. Il a joué combien de matchs? Peut-être une dizaine. Chris, il a pas joué. Joué à moitié des matchs. Ouais, mais il mérite-tu jouer tous les matchs? De quel mois qu'on est rendu? Pacheco, mérite-tu jouer tous les matchs en ce moment? Qui quoi? Pacheco, pas mieux calé. Pourquoi il donne une chance à Pacheco? Parce qu'il est tabarnak. Tracteur. L'équipe devrait aller sur les gradins pendant un petit bout. Mais qui va prendre sa place? Udon. Allez, tu ferais confiance à Nick Game, blessé, Udon à la place de Plekine. Il est blessé, c'est une puck dans la gueule. Ça, ça fait chier. Là, ça, ça fait chier. Man, fuck off. Pourquoi tu l'essayes pas entre Pacioretty et Gallagher? Parce qu'il faut que tu gagnes des points aussi. Mais Udon à def. Vas-y donc, Mart. Udon, c'est un champ. Moi, je mets... Moi, c'est sûr que, gars... Ah ouais. Oh, en se présentant. Oh, il y a une hésitation. Non, il y a une il prend le mien. C'est... Moi, c'est il y a une vision. Le tien. Non, moi, je vais prendre l'autre P. Ouais. P. Arnett. Plekanec, moi, j'oublie ça. Là. C'est bon. C'est ça qu'il a dit. OK, fait que c'est le même. Fait que c'est Plekit, toi aussi. Ah, je pensais que t'as dit Pacioretty, toi. Non, mais moi, le dire, moi, Pacioretty. Fuck off. Elle anyway, toute cette ligne-là. Fuck him. Fuck off. Il est encore mou. Worst captain ever. Non. On va parler en deuxième avec c'est vrai, cette affaire-là, par exemple. Ben, t'as commencé à ressortir. Hein? On parle-tu de Pacheco un peu? Non, la période est finie, JF. Ah, ok, c'est de valeur. On va en parler en deuxième de Pacheco parce qu'on est. Peux-tu en parler en deuxième, Pacheco? Il y a les extraits de ça, Pacheco? De Terrien, de façon, sur Pacheco. Fait qu'on va aller faire une entrée. J'ai une stat à vous donner. Ouais, on garde. Oh. Fait qu'on va venir pour la deuxième période avec les extraits. Pour la deuxième période, Alex revient avec des corsis. Ouais, ça va être intense. Préparez vos cahiers Canada, on va prendre des notes. Attends ma calculatrice avec un compas. On est retour pour la deuxième période. Pendant qu'on s'ostine entre les périodes là, sur le code de la personne qui va inciter mon BGL. BGL. Il est terrible, là, pour vrai. Ça n'a pas de bon sens. Ah, là, moi. À radio, il n'y a pas de style bon sens. Il est drôle, man. Moi, je l'écoute, mais des fois, il ne fait pas de sens. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, tu sais. C'est Big George, man. Quand t'écoutes le 91.9, c'est-tu du divertissement? Moi, j'ai commencé à l'écouter une couple de semaines. Non, mais j'ai commencé à l'écouter une couple de semaines. Non, mais eux autres, oui, mais nous autres, tu sais. Le 91.9, j'écoutais jamais ça. I don't like it. Ouais, parce que c'est pas chaud. Ma question reste, c'est-tu du divertissement? C'est du journaliste. Gilbert, pas si pire, le midi. Gilbert Delorme. Gilbert, c'est lui qui fait les écoutes. Tu l'écoutes parce que t'es trop drôle. C'est comme si t'écoutais un cirque. Non, mais il y en a différentes opinions. Ouais, puis Gilbert, tu sais, il dit les vraies affaires sur Pacheco. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Il avait raison. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Il avait raison. C'est parce que eux autres sont pas payés par les Canadiens. Ils sont pas comme. Mais dans le fond, c'est Radio X. Qui est devenue une chaîne sportive. Non, mais ils sont pas si dégueulasses que non, ça. Non, c'est différent de Radio X. C'est à Montréal. C'est pas la même gang. C'est JC Lajoie qui se faisait une radio indépendante. Ben, c'est ça. Non, mais c'est drôle parce que des fois, tu sais, ils niaissent des fois puis tu vois que c'est décousu comme nous autres. Puis c'est comme, tu sais, ils se prennent pas trop sérieux. Ça se rapproche plus du podcasting que de la radio officielle. Tu me dire qu'on pourrait passer 91.9. Non, parce qu'on sac plutôt, ils sont quand même un petit peu plus. On est capable de pas sac. Ben, ça sac des fois. Tu fais jouer le show à 11h le soir. Ah non, dans la nuit. Puis t'avertis les parents, genre, attention, on engage vulgaire. Attention, mesdames et messieurs, ce show. Ah, on joue dans la nuit à 2h. On joue entre 2 et 3h du matin, juste après Jacques Fabi. non, hey, Gilbert Delorme, j'ai déjà entendu au 99 dire Pacioretty, j'y crisserai un coup de pied dans le cul. C'est ça. Tu diras pas au tabarnak. Qu'est-ce qu'il a coupé dans le cul, tabarnak? Je parle de l'homme, il sac à ce show-là. Là. C'est ça qui est drôle. Non, c'est tabarnak, c'est deep. Là. Ouais, des fois, c'est. Il cite, c'est pas deep, c'est tabarnak. Drôle. Là, en tout cas, j'aime ça. Fait qu'on est rendu dans les extraits audio de Terrien. Encore une fois. Notre break. Ça, c'est le temps le fun. Depuis une couple de semaines, je sais pas ce qui se passe au 10-30. La machine à glace marche vraiment fort à côté des micros. Fait qu'on a encore un petit buzz, mais on entend mieux que la dernière fois que j'ai réglé les problèmes. Il y a du homme. Il y a du homme solide. Genre à. Premier point. 60 Hz. Coupe-moi les Hz. Premier extrait de Terrien, il parle de Patterson, justement, qu'on chialait. Est-ce que... Non, JF chialait. Ben, JF chialait sur Patterson. Fait qu'ils ont demandé pourquoi est-ce que Patterson était retranché, qu'est-ce qui faisait mal sur la glace, puis il va expliquer à Terrien que ben, le jeu de transition, c'est important. Hein? C'est important d'avoir une bonne transition. C'est important de bien distribuer la rondelle. C'est crucial de mettre la game se joue. Ouais, man. C'est comme la course au, à relais. Tu peux avoir les quatre athlètes les plus vite au monde. Quatre bâtons, là. Si tu donnes pas des mains, tu égales. Bâton, tu donnes pas des mains. Pas la course. T'as pas la course. Mais. C'est assez clair. C'est assez clair. Quatre athlètes. Mais des fois, on dirait que c'est deux phrases en même temps. Témoin, si tu peux, ben là. Tu sais, c'est quatre athlètes qui changent l'or. Comment si tu peux, ben là. Si tu donnes pas le bâton des mains, c'est. C'est Chris d'un pied. C'est vrai qu'il y a un petit sti vraiment seul dans celle-là. Après ça, on a parlé de Gallagher avec le bon Michel, parce que Gallagher a eu une petite... Ah, il est dans une baisse de régime. Ouais, mais on ne faut pas s'énerver avec Gallagher, je pense. Mais voici ce que Michel a dit sur Gallagher et sa séquence, pas de but. Ben, il y a toujours une belle éthique de travail. Éthique de travail. Quand un joueur rentre dans un... On peut appeler ça un slam, là, ou ce que... Un slam. Souvent, les joueurs sont un petit peu plus tendus que d'habitude. Ils n'ont pas la même confiance d'effectuer des bons jeux. D'effectuer des bons jeux. C'est tout à fait normal. Donc, Mesh, ça ne m'inquiète pas. Mesh. C'est un gars qui a toujours démontré dans le passé qu'il était capable d'avoir du succès. Je suis convaincu qu'il va en avoir encore bientôt. Êtes-vous inquiet de Gallagher qui marche pas, vous autres? Non, non, je suis pas inquiet. Je pense qu'il est juste pairé avec les mauvais gars. On a juste 20 games de jouer. Pourtant qu'il marche pas plus qu'il compte pas. Ben non, mais il se passait pas né avec deux hosties de 5 heures. On a juste 20 games de jouer, mais à 10, toi, Parrain, t'es prêt de la jouer poubelle. Ouais, mais au moins il provoque des choses. Non, mais c'est parce que Gallagher provoque des choses. Gallagher, c'est un gars qui se pas. Non, mais Gallagher, c'est un gars qui se casse ses buts en avant du net. Collé sur le net. Il n'y a personne qui a. Ben, c'est pas. C'est autant après la POC. Patcherity perd la POC. L'autre, il. Hey, man, ils sont jamais en possession de la POC parce qu'ils n'ont jamais la collise de POC. Ils ne tirent pas au net, man. C'est là qu'il score, lui. C'est collé dans le goal. Là, ouais, parce que dans le fond, il allait bien dans le trio avec. Ouais, parce qu'il y avait des tirs au but, puis les gars, ils se démarquaient, ils shotaient, pognaient le rebound, bang, man, il rentrait dedans. Là, il y a fuck all qui se passe. Parce que les deux sont trop pussy, man. Ils jouent du bout du bâton, man. Non, c'est vrai. Tu bordes la bande. Tout le ils font comme de l'escrime avec de la POC, man. À part hier. À part hier, là, on a oublié le match d'hier, mais le Pacho, il peut être tout le temps à POC. Ah, c'est dégueulasse, sérieusement. Chaque fois qu'il y a à POC, vous venez sur le powerplay, mauvaise passe. Ah, j'ai l'impression, des fois, de regarder les Jeux Olympiques spéciaux, man. C'est quoi la première paire? La première paire, la première vague sur le powerplay. Pécanet, Pacho. Je cherche le même pas, man. Pécanet qui est même pas sur le powerplay maintenant, c'est David Dernay qui est sa première paire. C'est Gatchina qui est sa deuxième vague, tabarnak. Il y a bien hâte à la fête des paires. Il y a Seb Brunel dans le chat qui nous fait dire que Martin Lemay fait dire qu'on a passé une bonne première période. Merci Martin. On est content que tu sois pas en train de nous intimider sur Twitter en ce moment. Ouais, tu me ferais de la peine. Ça me ferait de la peine. C'était un de mes mêmes favoris cette semaine. Ensuite, troisième extrait de Terrien. Il va nous parler de Galchenyuk. Jeff, t'as marqué qu'il parle de son renouvellement de contrat dû cet été. Non, je voulais qu'on parle de ça. Ah, après. Tu veux qu'on parle de ça, ok. Faut que tu sois plus clair dans tes notes que tu me laisses. Fait qu'on va laisser Michel nous parler de Galchenyuk, on va parler de son contrat après. Si je regarde sa courbe de progression, on aime qu'est-ce qu'on voit. On travaille très étroitement avec lui. Ouais, tu vas charger de ça. Mais il y a une belle courbe. Et très encourageant. Ça va bien, toi? Non pas pour le joueur, mais pour l'organisation. On continue à travailler avec. C'est encore, comme tu l'as mentionné, il est encore très jeune. Cette saison, c'est comme la première année là, qu'on envisageait de le mettre dans cette position-là parce qu'on a vu sa courbe de progression et la date des réactions. Mais on est tous conscients qu'il y a des choses qu'on a améliorées. Ben oui. Tout à fait normal. Qu'est-ce que vous aimez le plus de son jeu? Entre autres, son plus et moins, il est à plus 12 en ce moment. Plus 12? Quelle est la facette du jeu dont vous êtes le plus fier au niveau de son amélioration? C'est un gars qui a une bonne confiance en lui. Il l'a toujours eu. Ses habiletés, sa rapidité, sa compréhension du jeu s'améliorent. Il y a un paquet de petits détails qui ont continué à améliorer. On continue à travailler avec. C'est le fun de travailler quand t'es un jeune. Dans un vieux motel. Il est chic, la babiche, en tabarnak avec lui. Là, c'est le fun de travailler avec un bon jeune avec une belle courbe. J'ai toujours aimé les jeunes avec des belles courbes. Fait que Chucky est dû cet été pour renouveler son contrat. C'est bien ça. Combien ça vaut ça? Chucky? Tu l'échanges, aussi. Contre deux Gatorade. On l'échange contre John Tavares. Oh! Tu en penses? C'est n'importe quoi, bro. Ça coûterait bien plus cher que ça. Combien qu'il vaut, hein, cet été? Chucky? Ouais, 7 millions. 6, 7. Ouais. Ouais. Mon souhait, ça serait 6. Ouais. Non, ça va être plus que ça. 6 à long terme. Là. Ouais, ça, c'est un long ben, c'est parce qu'il a jamais fait une saison de 60 points. Tu ne signerais pas pour 8 ans? Non, 5. Si tu signes pour 8 ans, il va avoir 31 ans à la fin de son contrat. 5 ans. Y a-tu vraiment prouvé à date qu'il est dû pour être sur un contrat de 10 ans, 8 non, 10 non. ans? Quand non, c'est 8 ans maximum. C'est sa première année. Là. Wow. C'est ça. C'est 8 maximum parce qu'il fait partie, il est déjà dans l'organisation. Bon, il donne 5, 6, 30 millions. T'sais. Ouais, c'est 5, 6, tu donnes. 5, 6, 6, 6 millions sur 5 ans, 30 millions. Parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'on a donné un bridge contract. Bridge de contract. 2 ans. Bridge pour contract. Contract. Fait que là, tu donnerais un autre 6 ans de plus. Parce que dans le fond, tu peux acheter son autonomie aussi. Là. Ah ouais. Tu peux acheter peut-être quoi? Mettons, il peut être autonome à 27 ans. Fait que là, il va avoir 23. Ça dit que tu peux acheter comme 4 ans de plus de son autonomie. Non, non, je le signe pas pendant 8 ans. Ah, tu fais pas ça, tu le signes pendant 6, tu lui donnes un vrai contrat. Pourquoi pas? Mais non, ouais, on sait quoi ça fait là, tabarnak. 8 ans, là. Là, déjà, là, t'avais l'air de bitcher sur le bridge contract. Non, mais ça donne un bon average, ça pourrait être pas pire. Un bon average à masse salariale, si ça te permet de racheter une année de plus puis que ça baisse sa masse salariale, mettons, à 6 millions au lieu de 7. Moi, c'est plus ses années qui m'ont. Mais non, parce que lui. Pourquoi ça t'inquiéterait? Non, il va avoir 31 ans. Ouais, mais t'as peu. Lui, il veut sûrement 6 ans, là. Pourquoi? Lui, il veut sécuriser sa place. Ouais, mais si tu veux 6 ans, il va vouloir avoir plus. Ça va dépendre encore là comment ça va se négocier. Il va vouloir plus? Ben, je suis pas sûr. Parce que des fois, la quantité de stabilité que tu as dans une équipe est prête à te faire peut-être donner une petite baisse de salaire juste pour dire OK, vous me donnez ça, j'ai une clause en échange, vous me bougez pas. L'affaire qui arrive, c'est qu'il faut faire attention, c'est que là, le prochain contrat qu'il va signer, s'il signe plus que 4 ans, il devient joueur autonome à la fin de son contrat. Si tu le signes 5 ans. Tu le signes 6 ans. Ben, écoute. 5-6 ans. Si tu le signes 5 ans, c'est quoi la différence? Là, c'est le temps de jouer autonome à la fin de son contrat. Moi, j'achèterais 2 années de son contrat de plus. Moi, si on a. Non, non, non, tu peux pas traiter de même, tabarnak, là. C'est ton meilleur centre, là. Ben, c'est ça que je t'ai dit, au lieu de signer 2 années, il va faire 5 ans. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de signer 6 ans, moi, j'essaierais le 8, honnêtement. Mark Scheifele, ils n'ont pas eu peur de le signer. Ah, je ne dis pas que ce n'est pas le mauvais. Seth Jones, contrat à long terme, pas de bridge. Ah, c'est un D, c'est pas pareil. Ouais, mais ce n'est pas la même affaire. Là. Ouais, c'est ton centre numéro 1. Non, c'est pas un numéro 1. Moi, je pense pas qu'il est considéré. Non, mais à l'heure actuelle, un. Il est numéro 1 sur notre trio. Il traite pas comme numéro 1 et Plekanex joue encore plus de minutes que lui. Ouais, ben, et voilà. On s'entend que ça va changer assez rapidement. Plekanex, ses jours sont comptés à Montréal. Mark, tu peux nous faire son effet de Bridge Contract. Bridge Contract. Chaque fois qu'il y en a un, on va mettre un son effet. Bridge Contract. OK, prochain extrait. Patchy Weisha, tu te rappelles, tu sais quoi, cette GF? Il parle de... Ouais, ça sent. Il parle un petit peu, mettons, de leur mauvaise performance des derniers games. Ouais, de qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on va venir sur le cas de Patchy Weisha. Depuis Weisha. Weisha, il joue bien, Weisha. Non, mais c'était avant cette semaine. Pas une des audios de moi, là, tabarnak, what the fuck? Ouais, mais le journaliste, il pose la question. C'est entre deux semaines, on l'écoute. Je peux pas. Une trente! On a besoin. En fait, on est le trio présentement de. Qu'est-ce qui se passe, ça, le micro? L'école de Chanel, quoi, très bien. Non. On est tous conscients que. On a besoin de contribution sur une base constante de chaque trio. Chaque trio. Et ça fait partie de mes responsabilités à se trouver. Cette recette-là, cette combinaison-là, qui va faire en sorte là, que, qu'ils vont être capables de contribuer offensivement. Oui, Michel dit que c'est sa job de faire les trios. On tente, et je tente de trouver cette bonne recette-là. Parce que Manus Pacho est impliqué dans cette décision-là. Soit une menace. Quand tu cultives beaucoup la relation, c'est ton capitaine. Quand vous en parlez, toi et Pacho, on reconnaît la voix situation. C'est en bonne solution tous les deux actuellement. Là, de c'est des choses, honnêtement, c'est des choses que je demande pas à un joueur. Il faut que tu me scores des. Je demande pas ça. Tabarnak. Il y a des choses que je peux demander. Je veux que tu sois bon sur la rondelle. Avant de penser. Bois des belles gorgées. Tout le temps, tu reviens toujours à la même chose. Hein? Je comprends son point. C'est avant de penser au résultat final, faut que tu penses avant, tu penses au processus qui va faire que tu vas avoir toi, le résultat final. Ah, Michel. Je me concentre beaucoup plus sur le processus que le résultat final. Mais c'est ton risque de finale, c'est que tu scores pas pendant 25 minutes. Non, mais ça, c'est un coach. Tu ne vas pas dire un gars va me scorer des buts. Je respecte mon style de jeu, sois en bonne position, puis les buts vont venir. Ouais, mais ça dépend du style de coaching et tout. C'est genre. Ouais, je pense que tous les coaches font ça. Tu ne vas pas dire va me scorer des buts, va me scorer des buts. Ouais, non, mais je sais, mais c'est comme tu laisses-tu ton joueur aller comme tu veux ou tu l'imposes dans une stratégie de hockey qui le fait. C'est sûr que tout le monde a une stratégie de hockey. C'est sorti de sa merde. Quand je, je mets le Pacioretty sur le quatrième trio, c'est un franc tireur. Alex, ça fait mal, ça. Non, j'en reviens pas. Mais justement, on va parler de Pacio, c'est le temps, là. OK. Fait que Alex a des stats avant qu'on embarque sur les extraits de... Oh, de... shit, on va voir du... Ah non, c'est juste pour faire réfléchir. Il reste un extrait de Terrien, puis nous, on a un spécialiste après ça qui va nous parler du Copacio. On va le garder pour après, mais vas-y que tes stats, Alex. Juste dire, comme un marqueur de 35 buts... Ouais. N'importe quoi. Il n'y en avait combien? Il n'y en avait pas 10 l'année passée? Je pars ma calculatrice, man. Vas-y. Il n'y en a pas beaucoup l'année passée, les buts. Ça fait quoi un marqueur de 35 buts dans une année? Un marqueur de 35 buts en moyenne, ça vaut. Tu parles d'argent au niveau de salaire, toi? Un marqueur de 35 buts, c'est un tour du chapeau par saison, 4 matchs de 2 buts, 24 matchs d'un but. C'est-tu toi qui as tout décortiqué ça? 53 matchs, on se demande ce qu'il fait. Chris, est-ce que t'avais... Non, mais il y a un bon point. Ouais, mais t'as raison. C'est juste drôle parce que je suis surpris que tu fasses ça. Non, moi, je... C'est quoi t'as fait? T'as fait ça genre dans le bain, genre? Non, c'est pas... Mon crédit est pas à moi. Ça a été pris sur Twitter. Ça, c'est ta secrétaire? Un tour du chapeau, 4 matchs de 2 buts, puis 24 games d'un but. Il y a 53 matchs qui comptent pas. Ouais, mais 24 games d'un but, on s'attend que c'est... 53 games qui comptent. Ah, tu parles de Phil Kessel. Tu as décortiqué les buts de Pacio l'année passée ou l'autre année d'avant? C'est en moyenne à peu près un marqueur de 35 buts. Ok, c'est une moyenne à NHL pour les marqueurs de 35 buts. Ben, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, là, on capote, il y en a 20, puis il y a combien de points, Pacio? Pacio, il y a genre 15, 16 14 points. Je veux juste dire, c'est ça, mais le travail, par exemple, le travail, il est pas là, mais il est pas si pire que ça. Pour le vrai, je pense qu'on chie un peu dessus. Il y a plus de buts que Radulov. Non, mais, check bien ça, l'affaire de Pacio, moi, je dis, là, l'affaire de Pacio, là, c'est que c'est un scoreur, il est capable de scorer, il a pas perdu sa touche, le gars. C'est juste que là, elle rentre pas, il a perdu ses points de repère. Ça, ça marche juste pas. On veut qu'il y ait des coins. Phil Kessel, ouais, va-tu dans les coins? Non, mais il va pas dans les coins. C'est le même genre de joueur. Non, mais il tire du sac de mise en jeu. C'est un shooter, man. Il reçoit le puck-pack, man. Il t'envoie son crise de shoot dévastateur. Ouais, puis l'équipe va il score top corner sur un esti. Mais Pacio, il faut qu'il rentre dans zone 2. La Ligue nationale, Pacio, la façon qu'il score, c'est justement, c'est pas en étant dans zone offensive en attendant une passe. Il drive pas le net, ce gars-là. Non, c'est quand il reçoit une belle petite passe dans zone neutre. Il avance, puis il est déjà en speed, puis après ça, il arrive dans zone puis il fait son rush shot. Il prend pas un centre ou un ailier pour ça, pas que ça y prend un bon défenseur qui fait une bonne puck pendant qu'il est joué. Ben non, ça y prend un petit beau passeur qui est capable d'y mettre sur le tape. Il passe en rentrant dans la zone, il arrive sur le côté, il fait son rush. C'est pendant une relance. Ouais, c'est ça. C'est le même qui score, Pacioretty. J'ai comme l'impression qu'on est pas mal d'accord, c'est pas mal d'affaires là-dessus. Toi puis moi. C'est pas en étant statique dans la zone, en attendant pas. Ouais, mais avec la shot menaçante qu'il a, il est capable de scorer de tous ces coins-là. Il score de même, mais la majorité de ses buts, c'est quand il est déjà sur le. C'est son point fort. Pour ce qui est du reste. Sur le power play, là aussi, ce qui fait mal, c'est qu'il n'y a presque pas de points sur le power play. Ouais, mais la fin qui fait chier, Alex. C'est ton meilleur marqueur à 5 contre 5 là, au niveau du pointage, Pacio, présentement. Mais moi, il y a un style qui me fait chier, puis il y a un style des Canadiens que j'ai toujours détesté. C'est le style de joueur qui est inactif en zone neutre, qui attend d'en recevoir la grande crise de passe de deux lignes. Ben, c'est bon, c'est un excellent segment. Là, boum, Steve Manila, il se met à patiner d'une shot, il est immobile, il attend la colisse de puck, il marrote. C'est pas respecté le plan de match. Justement, ils font ça. Respecter le plan match, c'est dégueulasse. Il fait pas ça. On va y aller là-dessus parce que ça a été un genre de gros pas scandale cette semaine, là, mais ça a été un malentendu, si tu veux. Un malaise de Terrien qui a parlé de Pacio qui va pas chercher la puck dans les coins. Là. On va l'écouter. Il attend. Faut pas toujours t'attendre à recevoir la rondelle, une fois, faut aller la chercher. C'est un peu ça aussi dans n'importe quel joueur. Donc, n'importe qui. La rondelle libre, c'est toi qui es en position à la chercher, faut aller la chercher. Ben oui. C'est ça, je regarde sur Goldchenyuk. Quand Alex a besoin d'aller chercher la rondelle dans le coin, tu vas prendre sa partie de sa rondelle. Il attend pas après Paul qui est allé au bout de la ligne rouge, mais il va la chercher. Tu comprends? C'est une complicité d'un peu tout le monde qui fait en sorte qu'un trio aura du succès. Trois derniers à Jonathan, Jean-Philippe et Martin. Est-ce que tu trouves justement qu'il va pas. Pas assez vers la rondelle pour aller la chercher la rondelle, Max, pour le patio. Est-ce que tu trouves que Max en fait pas assez dans ce sens-là d'aller chercher lui-même? Ben, quand je parle tantôt, on parle nouveau. On regarde tout le temps la fin. Si on se concentre sur la fin, le résultat, il y a pas de problème. Moi, je suis pas concentré sur le processus. Ils viennent de mettre un nom. Ils viennent de se rendre compte comme what the fuck I just said. Il y a toujours lui aussi a trouvé une manière de, d'être productif au sein de sa carrière. Je suis convaincu qu'il va trouver encore cette manière-là d'être productif. Ça, j'ai pas de doute. Je me suis promené au Salon du Livre en fin de semaine. J'ai rencontré plusieurs partisans du Canadien qui me posaient des questions sur lui, sur on, Price. On se content, partisans? Ils sont contents. Ils sont contents, mais... ça, moi, je ne vais pas les chez nous parce que j'oublie tout le temps des affaires et je me fais chicaner. Fait que, il y a tout de complicité avec les journalistes qui t'arrivent. Mais ils posaient des questions sur Max. Il y en a même qui ont remis un peu en question son niveau d'intensité. Moi, je viens de te dire auparavant, c'est un gars qui a trop trouvé une manière d'être productif. De ce côté-là, ça m'inquiète. Côté. Mais tu sais, quand il revient à Max Patrick, il y a toujours, tu sais, c'est le processus, mais il dit pas qu'il va pas chercher la puck d'un coin. Non, mais attention, parce que dans le fond, le début de l'audio, là, la question, c'est Marc-Antoine Grondin qui la pose, puis il parle de Pacioretty. Qu'est-ce que Pacioretty fait pas de correct sur la glace? Puis là, Terrien part avec l'audio qu'on vient d'entendre. C'était ça la question. Il explique qu'il y a des joueurs qui vont pas chercher la puck, il y en a qui vont la chercher. Mais la question du journaliste s'adressait. Sur Patchio. Oui, mais. Puis Terrien répond ça de même. Fait que c'est là qu'il, de là vient le malentendu que, genre, Terrien a bâché sur Patchio. Mais après ça, ça s'est dit dans les médias comme est-ce que Terrien doit choisir ses mots, faire attention à ce qu'il dit. Je pense que non. Là. Il me semble que Chris. Ben, non, mais il a le droit de dire, mais on dirait que Terrien, ça le met mal à l'aise. Genre, après ça, il sait que, avec toute l'affaire de cet été, je pense, puis tout ça, ouais, là, qui est arrivé, ça, là. Il veut pas se mettre les pieds. Il veut pas faire attention. Asti, lui, il. Ben, tous ces mots il sont analysés. Il marche sur des charbons ardents. Ben, mais là, c'est sûr qu'entre lui et Patchio, sur des œufs de porcelaine. Ouais, puis tous ces mots, ces phrases sont analysées à la pas à la soupe, mais à la loupe. À la soupe. C'est à ça qui arrive. Que ils disent quoi, puis ils vont tous interpréter quelque chose. Parce qu'après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris la quote de Terrien. Ils l'ont traduit en anglais, puis là, les journalistes commençaient à poster à la cour de Terrien. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Fait mais la déformation, ça, on n'y peut rien, mais je veux dire, si on écoute ça fait de la merde. Non, oui, ça fait de la merde, mais si on écoute la quote originale, là, comme on a fait, là, là, on le sent que la question, on a manqué. La question, par exemple, quand on l'a commencé, au début, le journaliste, on l'avait pas, mais après ça. Il y a un journaliste, tu peux dire genre qu'il y a un journaliste qui a voulu être opportuniste sur la réponse de Terrien, puis qui a mis un nom associé à la réponse qu'il vient de donner, puis il demande comme de compléter là-dessus. Puis là, je pense que Terrien, il fait comme « Oh fuck, je l'ai pas nécessairement Non, mais c'est pas ça qui est arrivé, Marc. Patchio, puis là, je me rends compte, il vient de me squeezer C'est pas ça qui est arrivé pendant. Non, je sais, tu dis. Parce que la question a été posée sur Patchio. Les journalistes sont pas caves, ils vont poser des fois... 5 fois la même question, différemment, juste pour essayer de piéger soit le joueur ou l'entraîneur qui répond, tu sais. Non, mais on sent qu'il y a un malaise. Hey, t'as-tu l'excuse qu'il a faite, genre, le sur son point? Ouais. Comme quoi qu'il a été mal... Je l'ai pas, ça. Ah, tu l'as pas? Il parlait de tous les joueurs, pas juste lui. Ils ont écœuré Patchio. Non, mais c'était juste pour dire comme... L'autre affaire aussi, sur Pacioretty, là, je me souviens plus c'était quand, je pense que c'était après la game de mardi. Ils ont en tout cas, peu importe, c'est arrivé récemment, là, puis les journalistes posaient des questions sur le slum de Patchio. Puis à un moment donné, c'est Gallagher qui est allé voir les journalistes pour leur dire « OK, guys, interview's over. » Tu sais, genre, tassez-vous des cols, c'est... Non, mais les journalistes cherchent la merde. Cette semaine, il y avait aussi... Ils sont tachanés sur lui. Hier, l'affaire que Patchio, il a pas entendu qu'il était à 3e étoile, je sais pas trop, puis il a juste salué à la foule, il est revenu. Ouais. Les journalistes sont comme... Fuck that, Patchio, il a envoyé chier. Ouais, ben, il a pas embarqué sa patinoire. Ils ont tiré encore sur le tas sans comprendre le contexte. Mais il s'est fait tuer, ce game-là, hein, Patchio? Pareil. Moi, je l'ai pas entendu, mais est-ce qu'il paraît qu'il s'est fait tuer? En première période. Okay, mais tu sens qu'il y a la frustration, il y a un problème. Ah, ouais. Pas qu'il y a un problème, mais il y a un malaise quelconque. Il a pas voulu embarquer sa glace. Il est en crise. Non, mais c'est pas ça partout qui est arrivé. Il savait plus si son nom venait d'être dit ou pas. Il était mêlé, là. C'est ça. Je suis 3e étoile, je suis 2e, je suis 1e étoile. Il était mêlé. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit c'est toi. Non, mais c'est ça. On le voit à la caméra, il est distant. Il fait un salut, puis il s'en va. Ça n'a pas rapport comme fuck you la foule. Il n'a pas entendu son nom. C'est ça qui est arrivé. Puis ça a été redit encore ce matin. Mais d'habitude, c'est un gars qui le dit. Il dit Max, c'est la 3e étoile. Il n'a pas entendu. Il est arrivé dans le vestiaire. Puis après, ils ont dit ok, ça, mais là, il ne savait plus mon nom. Il s'est annoncé, pas annoncé. On est-tu rendu à 2e, la 3e? Tout le monde le savait, dans le fond. Ceux qui étaient au centre d'elle le savaient que c'était ça qui était arrivé. C'est juste qu'après ça, aux nouvelles, le monde, des réseaux au sociaux, le monde savait que c'est ça qui est arrivé. Ben oui, Marc Denis, il savait, Chris, il était là dans le couloir en attendant de toujours interviewer le joueur du match. Là. Ben, il voyait bien qu'il y avait un malaise, tout ça. Tout le monde est au courant, même les joueurs étaient au courant. Personne ne pensait de controverse. C'est après que les journalistes ont fait une controverse avec ça. C'était n'importe quoi, là. Ben, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que j'achète ce que tu me dis, là. Ben non, mais c'est la raison officielle, mais ça se voit sur vidéo. Hein? cherche la controverse. C'est pensez quoi? Vous, pensez vous, glace non, mais pensez-vous vraiment que Pacheco aurait fait ça consciemment de dire « Fuck les fans, moi je m'en bats. » Ben non, il est pas assez intelligent pour ça. Mais juste, non, mais t'es un joueur de hockey. Tu peux pas dire. Tu penses pas à ben ça. Ben Pacheco, man, je te dis, moi, il a pas l'air de filer très bien. Mais en fait, c'est normal. Il se fait chier sa tête. Mais il y a juste une affaire que j'aimerais rajouter sur... J'ai fait un petit sondage justement par rapport aux gestes de Pacioretty que le monde bâchait dessus. J'étais allé voir du monde plus vieux, puis du monde de notre génération, puis des plus jeunes. Tous les plus vieux... OK, t'as fait comme un vox pop. Un genre... On va t'acheter un micro, quand tu seras dans un dealer, là, t'as toutes sortes de monde dans ton garage de tous les âges, je veux dire. Puis... toutes les personnes plus âgées, mettons, qui ont suivi le hockey des années 80-70, peu importe, là, tout le monde dit que Pacioretty, c'est un trou de cul pour avoir fait ça. Question de principe. Tu sais, moi, quand je mangeais chez nous pour souper, mon père voulait tout le temps j'avais ma casquette. Ça, ça le dérange. Tu sais, tous des petits gestes, tout ça, là. Mais les jeunes comme nous autres, plus jeunes que nous autres, ben, nous autres, parce que dans le fond, il n'y a pas de controverse à faire là-dedans. Le monde va commencer à chercher des bébites sur mais des moi, petites affaires. Mais moi, ça m'est quelqu'un qui mange avec sa casquette à la table. Ben, c'est d'exemple, je parlais de principe, c'est porter le pantalon dans son chandail, puis affaires de même. Là. Fait que pour ce genre d'affaire, tu donnes une tape dessus. À ma table, t'enlèves ton chapeau. Quand tu rentres dans la maison, c'est les pieds sur chapeau dame, et casquette. C'est ça. Retirer chapeau et casquette. C'est comme moi, dans la fois, si mon gars porte les pieds, en tout cas, peu importe, on t'y va. Ouais, fait que, puis Jean, pour finir sur le cas de Pacheco, puis savoir ce qui se passe vraiment avec notre cher Max, ben j'ai pensé qu'on allait chercher l'opinion d'un expert. Fait que pour la première fois en 5 ans, le Doc Mayou fait son apparition sur la soirée du podcast. Oh, et je l'ai splitté en deux extraits et c'est fantastique. Fait qu'on écoute ce que le Doc Mayou a à dire sur Pacheco. Asti, oui. Ce matin, vous avez un exemple sulfureux. Vous avez un homme qui est peu masculin et peu viril, okay? Sous le temps seul, qui joue dans une activité sportive masculine. Max Pacioretty. Pacioretty. Il est dans le trouble. Parce que il va en messe du dimanche, ouais. Et puis il parle à sa mère à tous les soirs. Ouais, OK. Alors, le gars est dans le trouble. Il n'est pas suffisamment masculin. On lui demande d'être masculin. Mais, moi, ouais, mais attendez, il faisait il y a 2 ans, puis il marquait 40 buts par saison, là, la première. Non, mais il faisait plus. Il faisait un peu plus, ben, mais là, c'est que maman prend du galon. Non, je pense pas. En vieillissant, pas, oui. La messe, oui. Et Dieu est en train de l'abandonner, là. Non, moi, je pense pas. Max a un problème, oui. Il est à une croisée de chemin, je vous le dis. OK, puis je ne blague pas. Mais donc... Je soupçonne cet individu d'être à une croisée de chemin où il doit choisir entre le masculin et la virilité et maman et la messe. Et ça veut dire qu'on peut pas pratiquer un sport si on n'est pas viril et masculin. Exactement. C'est ça, un sport. Ça dépasse. Badminton, oui. Hey, le Doc, Mayou, là. C'est tout le temps. Ah, mais le hockey, c'est tough. Mais qui irait voir ce docteur-là? Qui aurait posé la question dans le genre? Il est excellent, man. Je l'envoie brûler sur Twitter des fois, puis le monde m'a comme ta gueule, c'est le meilleur psychologue que j'entendais. Je suis comme, si, boire, je doute de ton jugement. Là, moi, je suis un c'est pour ça que t'es un non, fou. Mais il donne un bon show. Moi, mais... je suis un fan. Là. Moi, j'adore comment il a aussi cassé c'est le monde. Il est intelligent, mais il est un peu trop fucky. Là. Non, mais là, il fait pas exprès. Il troll un peu. Il fait son amateur. Ah, il troll, là. Il troll. Il donne son opinion. Tu sais, le monde qui a fait à son émission. Mais c'est un fan des Canadiens, ce gars-là. Tu sais, avant, un psy à l'écoute, là. Ah oui, non, mais Doc Mayou a toujours été un fan des Canadiens, puis a toujours suivi le CH et il aime le hockey. Dans le temps, t'écoutais un psy à l'écoute, là, puis le gars, il appelait. Ouais, mais moi, Doc Mayou, j'ai des problèmes au travail. Mais monsieur, vous avez un petit pénis. Voyons, OK, là. C'est tout le temps ça, lui. Il était vous n'avez pas viril. Hey, moi, j'ai entendu. Hey, Steve, faudrait tellement sortir des extra audio à un peut-être pendant une jazzette. Ouais, n'importe on quoi, un là. Best-of de la jazzette de ça. Hey, de Doc Mayou, là, sérieusement, là, il pourrait avoir un tribute, man. De ses... On pourrait essayer de faire une genre de série, sa jazzette, qu'on a des extraits à chaque fois. Fait que, le deuxième extrait, c'est quoi? Deuxième partie de l'extrait du Doc Mayou sur Pacioretty. Les attitudes masculines sont oxy, sont condamnées. Condamnées. Sont mal vues, sont dénigrées, sont méprisées. Puis là, on est tous surpris, on arrive avec un 6 pieds 3. Mais là, Max, faut que t'ailles chercher la rondelle dans le coin. Oui, mais ça demande du courage et de l'audace. Ouais, mais... Maman, c'est pas ça qu'elle me dit. Aimons-nous les uns les autres. Honnêtement, vous êtes complètement de mauvaise foi. Il y en a peut-être des joueurs du Canadien qui appellent le maire à tous les jours. Puis qui... Peut-être que ben, Paul Byron fait une affaire, on le sait pas. Tu penses que Radulov appelle sa mère à tous les jours, toi? Non, il n'y a pas de dedans, il n'est pas capable, Dr. Mayou, je suis désolé. On va revenir au dedans. Tu penses que Weber va en messe le dimanche puis appelle sa mère à tous les soirs? C'est quoi le rapport? Je ne sais pas, vous le savez pas, ça. Là, vous êtes dans le... vous présumez de là. Attends, mais vous avez pas lu le reportage qui a été fait sur Max Pacioretty? Oui, c'était de... Mais c'était à verser une petite larme. Ben, c'était beau. Il aime maman. Mais oui, maman, mais c'est correct qu'il aime sa mère. Voyons donc, arrêtez-moi ça ce matin. Qu'il aime sa mère, on n'a pas de problème. Voyons, il y a d'autres. Il l'appelle. Ben oui, mais. Il l'appelle tendrement. Vous régulièrement. À l'époque, les appels de mère, là, allez surtout pas jouer dans un sport masculin. Voyons. N'avez-vous bien compris? Oui. On vous a compris. Mais docteur Maillot. Mais appelez votre mère, mais allez jouer au badminton. Faites pas de la lutte ou du hockey si vous appelez votre mère. Appelez jamais votre mère. Appelez si du sport. C'est ah, merci. C'est merci, fou, Doc Mayou, pour ce 3 minutes de divertissement. Fait qu'on va aller faire une entraque, puis on vous revient pour la troisième période avec Around the NHL. Yeah. On est de retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. C'était peut-être en maudit sur l'exécution. Yeah. Fait que je vais vous donner des bons sujets, puis JF va compléter parce que c'est lui qui fait le pacing de Around the NHL maintenant. JF contrôle maintenant le show parce que j'ai pas le temps. Là, c'est ça, ah, tabarnak, il y a une promotion au calice. Monsieur Rosa avec des bananes sur ses épaules. Ben, c'est parce que JF, il envoie les extraits audio, les vidéos, puis le Around the NHL. Fait qu'il parle plus. La vraie période. Là, pendant cette période-là, toi, tu parles, lui, il parle plus. Non, c'est l'inverse. Lui, il va compléter les sujets qu'il m'a donnés. Pour dire les détails. Ah ben vas-y, Asti Jeff, on s'abreuve, on nous abreuvons de tes paroles. Puis moi, je m'abreuvoir de cette. Ben non, non, je me suis. Mais je sais qu'on parle un petit peu de tout. Là. Premier sujet de Randy NHL dans la KHL. On commence et on va finir par la KHL. Puis on vous garde un petit bonbon pour la fin, rester à l'encoute. Oh. Dans la KHL, certaines équipes seraient incapables de payer leurs joueurs. Ouais, ça a l'air que la ligue est en faillite, les boys. 10 équipes de la KHL sont même pas capables de payer leurs joueurs. Ah, mais la KHL, ils ont tout été en trouble. Ben là, c'est rendu grave. Les joueurs, ils capotent tout. Tu sais, dans le fond, tu joues au hockey, puis t'es même pas payé. C'est comme si tu travailles pendant une semaine, puis t'en recevais même pas de salaire. Ouais, mais la KHL ont tout le temps des conditions exécrables. T'en souviens l'avion qui a crashé, tout le monde est mort. Ouais. Est-ce qu'il paraît que. Les gars qui meurent sur la patinoire. Non, pas rien que ça. Ce qui paraît dans la KHL, là, c'est pas rare les vestiaires avec des rats qui se promènent dedans. des vieilles patinoires, mon gars, de l'Union soviétique. L'Europe de l'Est. Des vieilles poches. C'est des installations de l'Union soviétique, ouais, ça fait dur. Fait que la Ligue tirera à sa fin, peut-être. Ben, elle tire à sa fin, c'est pas rien que ça, c'est qu'en pas en URSS, excusez. Ben, en Russie, ouais, on pourrait quasiment dire ça que le régime de Poutine, pareil. Le régime à Poutine. Mais c'était beaucoup basé, les équipes montées sur des pétrolières, puis du monde qui ont beaucoup d'argent, qui investit la mafia russe, fait que c'est pas surprenant que ça veuille éclater à un moment donné. Il n'y a pas d'ordre là-dedans, c'est la mafia. C'est de l'argent sale qui circule dans KHL. C'était monté par le cash puis les votes ethniques. Là. Ouais, dans le fond, si ça arrive qu'ils font faillite, il va y avoir beaucoup de joueurs qui ont un bon potentiel qui pourraient se joindre à la Ligue nationale. Mais faire la KHL, il y a un signe de faire. T'as pas tant de bons joueurs dans la KHL qui vont être super top. Mais tu sais, comme Panarin vient de là. Non, pas dans le même niveau, mais tu sais, des gars qui pourraient boucher des trous. On aurait combien, 5-6? Kovalchuk en ce moment est dans KHL. Ouais. Il est pairé avec qui, là? C'est vrai qu'ils sont en feu dans KHL. Datsu qui est là. C'est ça. Il est pairé avec Datsu et Kovalchuk sont ensemble en ce moment. Je sais pas. Non, ouais. Je pense que ouais. C'est la même équipe. Ouais. Sur la même, c'est la même ligne, je pense. C'est comme ils sont juste trop forts pour le reste. Là, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais c'est parce que les goalers sont poches dans la KHL. C'est plus des avants, mettons, tu sais, qui viennent de la Ligue nationale. C'est rare, tu vas avoir un défenseur. C'est un style de jeu très différent. Tu sais, les Russes. Plus ouvert, moins de technique. Ouais, puis les patinoires sont plus grandes. Puis tu sais, c'est comme les patinoires russes. C'est nord-sud, pas de défense, puis on attaque. Ouais, c'est un style bien différent. C'est ça. Non, avec du talent. Sauf qu'il y a des joueurs qui sont payés une fortune. Tu sais, comme Yager, il a fait combien de temps dans KHL? Yager, il a fait facilement quoi, 5 ans là-bas? Ouais, puis il a été payé en crise. Parce que money, tu peux aller faire du Lui, il l'a fait parce qu'il fallait qu'il paye ses dettes à Vegas. Là. Bon. Non, c'est vrai, ben Chris, il l'a dit. Il l'a dit ou c'est des rumeurs qu'il y a eu ton gars qui pose la... Non, il l'a dit. C'est public ou il l'a dit au gars qui fait sa porte de garage? Il l'a avoué ouvertement. Il a dit, je suis allé dans KHL pour payer mes dettes. Parce que lui, c'est un gambler, Yager. Ah, lui, c'était dans le temps de New York. Là, qui a tout, c'est là que ça a chiré là, quand il était à New York. Ouais, c'est ça, il a perdu beaucoup de sous. Ça fait très mal. Fait que c'est ça, la KHL. Si, tu m'as fait une réplique des têtes à claques. OK. right. Deuxième point, Steven Stamkos, monsieur fait en peau de pénis, qui se blesse. Non, en peau de pelote. Ah, Chris s'est blessé pour un autre 4 à 6 mois. Déchirure du ménisque au genou droit. C'est déchirure de la verge. Il est fini, lui. Ben, il est pas fini. Non, mais il est pas fini, mais Chris se blesse tout le temps. Il est fait en G-Proc, le calice. Tous les ans, on attend ça de Tampa qui manque comme presque toute la saison puis il revient en temps pour les playoffs. Chris vient de le signer en plus. Tout le temps, ça fait 2 années en fait. L'autre fois, c'était la cheville. Ah, la cheville, c'est des Olympiques. C'est-tu la cheville, c'est le tibia? C'était quoi? Ouais, c'est ça, c'est le tibia. Non, c'est le tibia. Là, c'est le genou. Ah, lui, c'est le tibia. Ben, je sais pas, c'est la même jambe. C'est le tibia dans la jambe. L'année passée, il y avait comme de quoi dans son tibia. Ouais, lui, il était rentré le tibia dans le poteau du goal. Ouais, et puis la jambe. Il a dit comme Ivan Drago, il y a tibia. Il y a tibia. Il y a un caillot de sang qui a éclaté dans son bras l'année passée. Ouais. Il y a eu une année vide. Une année vide dans le bras. Il y a eu. Ça fait. Et puis, Chris, il n'y a pas 30 ans encore. Là, pauvre. Il y a eu une année vide. Ouais, écoute, c'est l'homme de verre, man. Il va se faire une réputation. Là, ça, ben, sérieusement, il n'a jamais été capable de. Ce gars-là est complètement terni par les blessures jusqu'à date. Il n'a jamais eu l'occasion de flasher. Il n'a pas flashé pendant les Jeux du monde cette année. Il n'a pas flashé aux Olympiques. À la fin, t'es quand même au. Il allait bien cette année, par exemple, avec Tampa. Ça a été longtemps. Ouais, long. C'est ça, mais avec Tampa, il allait bien, par exemple. Mais Stamkos, on dirait que c'est juste comme... Il va bien, mais discrètement. C'est comme un pétard mouillé, ce gars-là. C'était supposé être le... Un bretol, genre. Ah, c'était supposé être un assassin, sa patinoire, hey, man. Pas mauvais, il fait juste... Non, il est écœurant, mais... Il a ralenti par les blessures, parce que sa blessure, carrière est toute jeune, non? Ça fait pas 10 ans qu'il joue dans la Ligue. Il, avait, fait quoi, il vient d'avoir 27, là, 28, là, quelque chose dans le genre. Ça ouais, c'est ça, ça fait 6 ans, hein, genre, Rusty. Plus que ça, ça fait 10 ans. Il a commencé à 18, là. Ouais, 18-19, là. Ouais. Ça fait si longtemps que ça. Mettons, ben, là-dedans, ce qu'on se souvient le plus de lui, c'est ses blessures, plus que ses goals. Bah moi, je me souvenais de son 50 buts, parce qu'il m'a fait gagner un pot. Deuxième saison, il avait gagné, il comptait 50 buts égalité avec Sidney Crosby. OK, mais... C'est moi, il a signé son contrat, comme... good for him. Non, mais on a comme un goût amer, pareil, quand on parle de ce gars-là. Surtout quand tu l'as dans ton pool. Là. Ben, moi, je l'aurais pas. Ouais, moi, je ne jamais dans mon pool, Stamkos. Moi non plus, comme je dis, non, Stamkos, moi, il me fait vraiment pas flasher. Là. Ben, je vais finir par apprendre, puis je vais arrêter de le prendre aussi dans le pool. Ben, arrête de le prendre, Calis. C'était sa dernière chance. C'est parce que tu lui conseilles la manette. Non, Stamkos, j'ai dit faites attention à Stamkos. Mais dans mon autre pot, je l'avais. Fait que. Ouais. Next. Troisième sujet. L'équipe de Vegas qui dévoile leur nom finalement, les Golden Knights. Et j'ai le logo, je l'avais oublié, je vais vous le mettre à l'écran, ce sera pas long. C'est moi juste vous faire ça ici. Nous autres, dans on dirait une marque de condom. Yen de studio, je vais vous le faire. Ah, j'avoue, Trojan, c'est ça. Style, genre. Hey, c'est un casque, c'est ça. Voilà. C'est un casque dans ce temps-là de Trojan ou de Spartan. Ça, c'est un Golden Knight. C'est pas un Knight, ça. C'est un casse romain. Hein. Ça fait non, pas c'est un casse écoute, romain. C'est un casse des Spartans ou justement. Mais les Spartans, c'est pas des Romains, ça? C'est des Grecs. C'est le film 3. Ah, mais je pense qu'ils ont essayé de faire un V pour Vegas. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait comme le V. Ah, ben tabarnak, c'est la première fois que je vois ça, Mark. Dans tous les logos, il y a tout le temps la lettre principale de la ville ou du team. Ben ça, ça les Whalers de Hartford, t'as un W puis t'as un H. C'est vrai. Canadien plus évident dans ce temps-là. Mais là, oui, il y a un V. Je comprends. Là, je le vois. Je vois juste ça. Je vois juste le V. Mais oui, ça donne un casque de Spartan plus qu'un casque de Knights. Ouais. Ben, on dirait que ça commence à être une mode, hein, un bouclier avec le logo dedans. Genre. Ça commence à être ça, les Panthers. Oui, c'est ben, comme bouclier, les logos de soccer. Les Kings, c'est ça. C'est des logos très carrés. C'est des. C'est un crest comme dans. Comment ils appellent ça en français? Des armoiries. Genre. Ouais, c'est l'armoirie. Plus comme une armoirie. Mais je l'ai, moi, justement, le seul commentaire qu'on peut passer sur ce design-là. Hey, c'est l'air, ça va de l'air, c'est comme ça. C'est comme ça, là. Il me semble que t'as mieux l'autre, hein. J'ai pas souvent ça, c'était ça, Pedno. Ça, c'était Pedno, Esti, qui disait ça. Il parlait de chandail des sables de Buffalo, le signe. Hey, c'est l'air, tabarnak, ça vient. Hey, il dit, c'est un costume, là. Il dit un costume. C'est comme costume. Ça me surprend qu'il ait pas dit costume en plus. C'est un costume. Il dit pas l'uniforme, il dit un costume. Quatrième point around the NHL, les fameux règlements pour le repêchage d'expansion pour Vegas. Fait que Jeff, tu veux expliquer ça? C'est quoi? C'est, tu veux dire? Ouais, dans le fond, on n'a pas déjà parlé de ça souvent. On dit tout le temps. Ouais, c'est la troisième fois qu'on en parle. Là, par contre, c'est rendu plus sérieux. Là. Ça n'a pas changé, Chris, depuis... C'est ça, tu t'en as parlé que c'était 7-3-1 ou 8 attaquants, ou 8 patineurs 8, plutôt, puis un goaler. Ouais. Là. C'est ça qui est officiel, mais dans le fond, je veux juste souligner une affaire. Là. C'est que... Il y a François Gagnon qui s'est mal exprimé dans son article, qui disait qu'on pouvait protéger 8 joueurs au total, incluant le goaler. Puis après ça, ils ont commencé à spéculer que Price serait le premier joueur repêché par Vegas si le repêchage commençait aujourd'hui. Je veux juste dire que c'était plus épais. On peut-tu en parler de ça, là, deux c'est secondes? Sûr Price va le protéger? C'est sûr que oui, mais dans le fond, c'est parce qu'on n'a pas de deuxième goaler de signer. Ben, Chris, ils en ont fait un plat pendant une semaine ou deux, puis DLC commençait à s'inquiéter. Absolument Cave, il a commencé à s'inquiéter aussi. Absolument Cave, il n'a pas vendu ça, lui. Moi, je suis pas sérieusement, là, paniquez pas avec ça. Là. Moi, je panique pas en tout. C'est le monde qui mérite ça. Hey, au pire, là, ça va nous débarrasser de notre bois mort qu'on veut se débarrasser. Comme bye bye Plecanets, bye bye DR. C'est un joueur qui va partir, qu'on va souhaiter qu'il parte. Non, on peut en perdre plus qu'un. Tu protèges-tu Byron? Plecanets, c'est un aussi bel. Ouais. Protèges-tu. Dans le fond, si t'écoutes mon petit update, là, j'ai nommé mes joueurs que je protège. Ça dure 15 minutes, on n'a pas le temps. Là. Ça, non, celle-là, il dure moins longtemps, il dure 13 minutes. Fais-moi un résumé. Tu peux-tu me faire un ça sur un post-it? Ouais, c'est ça. Ben, je peux donner un post-it des joueurs que je protège. Ben, c'est okay. Mais non, mais allez écouter ça, ma lettre update sur notre Facebook. Ouais, vous allez savoir ma liste. J'ai pas le temps de. Je m'excuse. Là, ça s'écoute bien, ça bol quand t'as bien mal au. Faut que tu protèges Char. Faut que tu protèges Dano. Tu protèges pas Char. Faut que tu protèges tous les joueurs que t'as signés. Faut que tu protèges les joueurs que t'as signés. T'as pas l'air de Nesty. Parce que si vient chercher Char, tu payes encore son contrat à Char. Non, mais t'as l'air d'un cas. Tu payes son contrat. Non, c'est Bergevin pas qu'il a l'air d'un Nesty Tata. Bergevin, il dit, t'es comme, je t'ai allé chercher puis je l'ai pas protégé. Ouais, parce que c'est écouté deux fois repêchage. C'est sûr, tu le protèges. Tu payes pour rien. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pour les équipes de NHL. Tu vas chercher un D ou un centre. Ben là, ça peut être différent. Faut que tu protèges absolument. Mais à date, les joueurs que tu protèges à la défense, c'est Weber, Petrie, comme on disait tantôt, et Beaulieu. Ouais, mais si tu vas en chercher un autre que tu as besoin... OK, fait finalement, selon vous autres, ça apporte plus de problèmes, cette expansion-là? C'est tough, c'est foutu, il pense ben non, moi, je vois ça comme une bénédiction, parce que ça nous donne la chance, peut-être, de se débarrasser d'un joueur qui a un gros contrat, dont Plekanec. Ouais, mais là, t'as d'autres gars à checker out, là, genre de dire comme, OK, mais lui, comme je veux pas le perdre, là. Ah, parce que l'année passée, t'aurais-tu protégé Byron ou Dano? Moi, je protège pas Price parce que j'ai tout en peur. Je t'y protège. Ouais, mais comme ça, Darnett... tu penses à l'avance. Ben oui. C'est tough, c'est vraiment tough. Ouais. C'est pas évident, mais dans le fond, je pense que tout le monde est préparé. Darnett a pas besoin de t'inquiéter parce qu'il est joueur autonome à la fin de l'année. Plekanec a une clause. T'sais, il peut se faire changer au ski. Ah, inquiète-toi pas avec ça. Il y a tout le temps comme dit. Non, mais c'est. Cross anyway. Il y a encore plein du temps avant que ça se passe. Puis les journalistes cherchent des affaires à parler. C'est. Oh ouais, ben c'est juste que ça c'est ça qui est de valeur parce que t'as des fans qui ont cru à ça puis que je me suis même fait poser des questions. Hey, on va perdre Price. Le monde sont allés. Hey, je me suis fait. T'es rendu une référence. Ben c'est parce que dans le fond je sais pas le monde il nous écoute. Le monde t'a envoyé comme un message en disant le bâtiment. Jeff, dis-moi que c'est pas vrai ce que j'ai entendu. Ben c'était quelque chose dans le genre. JC Lajoie, il est bloqué sur mon sel. Pourquoi? Il est bloqué sur ton sel. Non, je le connais même pas. Je le connais même pas. Ah, tu connais. C'est ce qu'il dit là-bas. JC. Le okay. Gros JC. Ouais, appelez pas gros. Pourquoi on peut pas l'appeler gros? Ben il est gros. Mais on s'en crie, on le connaît pas. Il hate il est that. Gros. Bon, ben, le gros JC en Chris, man. C'est pas le gros, check moi ben, gros. Check ben mon prochain gros. Tweet. Wow. Hey, le gros. Il y a une grosse barbe louche aussi en ce moment. Ouais, hein. Qu'est-ce qui se passe avec sa barbe? Ah, il est fin. Moi, je l'aime. Moi, toujours l'aime. Ils ont coupé son salaire, il n'y a plus le temps de se raser. Il y a plus les lames coûtent cher ou magasin? Il est drôle, mais il est bandé carbin. La petite voiture. C'est pas grave parce que. La petite voiture. La troisième itération du film Cars. Pourtant, Car, il n'a pas impressionné mes mains. Car, il n'est pas retourné dans les Ice Caps. D'accord, ici. Moi, pas pour longtemps. Prochain point, selon Ron Fournier. Pourquoi selon Ron Fournier? La NHL envisagerait de faire 3 divisions de 11 clubs chaque pour les prochaines années. Ouais, il a sorti ça en gros pendant un de ses shows. Là. Ben, c'est lui qui a dit ça ou c'est vraiment une rumeur? Là, c'est lui qui a dit que selon ses bonnes sources, les projets de la Ligue nationale, ça sert d'avoir 3 divisions au total. Comment ça marchait en playoff, ça? C'est... Là, il n'a pas été jusqu'à là-dedans, mais là, c'est là que tu vois un peu que Ron il a perdu la carte. Là. Parce que dans le fond, ce qu'il voulait en venir, c'est que les Nordiques allaient revenir dans la Ligue nationale très bientôt, selon ses bonnes sources aussi. Ce qui s'est fait revirer de bord carrément par les dirigeants de la Ligue nationale. Parce ben oui, c'est sûr. Ils ont dévoilé cette semaine que les Hurricanes, dans le fond, seraient probablement à vendre. Ouais, c'est le prochain point d'ailleurs. Mais ils vont live, mais ils vont rester. La NHL va faire n'importe quoi pour qu'ils restent là. Quand tu parles de la NHL, tu parles de tous les propriétaires parce que c'est eux autres qui votent. Ouais. Ils déménageront pas les Québécois. Fait qu'on peut se calmer avec ça. Puis ça serait un peu le meilleur espoir pour Québec parce que c'est pas une expansion, c'est une équipe qui va déménager. Mais la NHL, ça leur fait paraître tellement mal de perdre un marché. C'est la seule, mettons, ligue nationale d'import. Ben, c'est surtout que la petite bête des équipes qui déménagent. Là. Ouais, mais ça paraît US. Pas bien pour ta ligue. Tu te dis, regarde, il y a des équipes qui font faillite. Ouais, mais ça paraît pas bien ouvrir des clubs par rapport dans les crises de marché qui n'ont pas rapport. De mal paraître d'amener un club à Québec ou de laisser, genre, les Panthers avec 4 fans dans la foule pendant les matchs. C'est dégueulasse. Les Hurricanes, man. Il y a genre 25 personnes dans les stades. Les Hurricanes, c'est les pires. C'est les 30e dans la ligue pour le crowd. La Floride, ça fait dur aussi en crise, c'est pour vrai. Là, ça vient mieux là, depuis. Parce que l'année passée, il y a eu une bonne saison. Mais les Hurricanes, ces teams-là, ça n'a pas de sens. Tu le vois que ça marche pas. Mais non, ça ne marche pas. Puis tu sais, c'est la faute à qui, Chris? À Batman. Parce qu'un contrat. Ben, tu sais, ça serait-tu vite s'il y aurait bon club? Ben, Vegas, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être payant, juste le contrat de TV. Ça va être plein, ça. Ouais, mais ça va être plein, hein, j'ai hâte de voir. Ça va être une drôle de crowd. Ça va être une drôle de crowd. Il n'y aura pas un fanbase régulier. C'est des touristes. Du monde chaud qui font de l'état. On va y aller, puis on va y aller. Quelqu'un qui va vomir sa roulette de table, il va se faire donner des billets pour aller voir le hockey. Je vous dis juste une bible. Ah, je dirais pas non, Canadien Vegas. Ok. Est-ce qu'on serait chaud? On en ferait-tu de l'éther dans un casino de clown? Là, je suis comme excité. Comme dans Fear and Loathing. Canadien, Black Knight. Golden Knight, excusez. Black Knight. Black Knight. C'est pas à cause de Black Hawks. C'est ça, puis ouais. Trump, tu sais, attention. Black Hawks. Black Knight. Black Hawks. Trump voulait pas les Black Knights. Golden Hawks. C'est à cause de ça, Black Hawks. C'est vraiment les Golden. C'est vraiment Dang. Trump, ça. C'est beau, man. Tout, pas de noir, juste de Golden l'or. Golden Knights. Ça, c'est la philosophie ça, Trump. J'ai hâte d'avoir l'uniforme, va l'air de quoi. Ça ouais. Débarre genre or comme genre le Anaheim, style. Ouais, noir et ben, or. Sûrement la même style que les Kings, je dirais. Puis blanc puis or. Ça va être blanc, or, noir, or. Ouais, nice. Probablement. Ouais, ça ressemble peut-être au logo. Blanc, or. Ça j'avoue, ça ressemble aussi. J'ai hâte de voir le sous complet. J'ai hâte de voir les lettres dans le show. Les shorts noirs ou les shorts en or? Mais non, des shorts en or. C'est vrai que... Non, massif. Qui brille. Avec le casque, ça fou, oh my God, tout en or massif. Dégueulasse. Ça serait hot. T'as l'air de Gold Member. Hey, j'aimerais ça, le casque Gold en or, dust. Les gars, Gold les, dust. Les pants en or. Les faces en or. Tout le monde peinture en or. Et ça va être drôle. C'est qui lui qui livrait des pizzas, là? Ça ferait weird en mais pour une équipe de foot, c'était cœur, hein? De quoi avec livrer des pizzas? Pas, y a-t-il une équipe en or? Oui, les Saints. Non. Les Saints sont or et... Ah, j'ai vu. Ah, tabarnak. Golda, c'est lui qui t'habille en noir qui fait... Puis il rentre, puis il se touche, là, puis il est louche, là. Il était terrible. Le fils de Dusty Rhodes. Pas un podcast de lutte, ça. C'est de valeur. Dusty Rhodes, c'est ça? C'est lui, aussi qui arrive avec une pizza, genre? Je me souviens pas, pour vrai. Hey, on parle de hockey, là. Dusty Rhodes, quoi. Vous autres, je le sais, ça diverge, si. Ça diverge. C'est quoi ça? Si on part pendant 20 minutes sur le chat sans nouveau message juste de lutte. Ah. Fait quoi? Non, c'est moi qui dis à Dave, regarde ça, cette vidéo-là, pendant que t'es malade. Ouais. Fait que les Hurricanes à vendre, le propriétaire a dit qu'elle allait vendre ça bientôt. On vient d'en parler. Fait qu'on vient d'en parler, fait qu'on va voir ce qui va se passer avec ça. Ouais. Avant, dernier point, puis c'était Dave, puis il est pas là, mais Dave était venu nous parler du documentaire sur Piqué Subban. Je peux en parler ça. Un peu de ça, je l'ai vu moi, puis documentaire, on va le mettre en gros guillemets, s'il vous plaît, là. Ben, c'est une fucking info pub sur un documentaire de Louis Morissette. C'est juste du PR. Ouais. C'est Morissette qui est crissement trop bandé sur Subban. Là, ben, c'est son body. Là. Ah, c'est un gars qui est proche de l'organisation du Canadien. Tout le long, qui vient là, de saison, c'est puis... Subban qui dit à quel point il est bon. À quel il point pleure il un moment donné. À quel point il donne de l'argent. À quel ouais, point cause d'un enfant là, qui meurt. Pourquoi il avait commencé à. Il dit qu'il sait pas pourquoi il est parti de Montréal. C'est comme tabarnak. Tu le sais. C'est pas un documentaire. C'est un documentaire de groupie, on dirait. C'est ça. C'est une info pub. C'est un dernier au revoir. C'est du PR. PR pour Subban, pour comme sa carte de visite. Regardez comment je suis bon, là. Ouais. Donnez-moi. Mais si tu fais. Il y a un marché pour ça. Regarde, le monde est stocké là-dessus. Mais le monde, si on allait s'acheter des chandelles des prédateurs de nage. Quand on a joué à Ottawa, quand ils ont joué à Ottawa, Subban, les journalistes de Montréal sont descendus à Ottawa pour voir Subban. Qu'est-ce que vous faites, tabarnak? À TVA Sport, il y a plein d'images de Nashville tout le temps. C'est sûr. Je viens de penser à quoi par rapport à Subban. Il y a du monde qui était en crise de l'échange de Subban, dont Louis Morissette. C'est la même gang qui a Hypatio. La majorité? Parce que beaucoup de monde disait que c'était de sa faute. Hein? Je l'ai juste dit ça de même. OK. D'accord. OK. Fait que, en tout cas. D'accord. J'ai pas entendu. T'apprends rien, c'est ça qui est. Je pense que là, tu commences à être dans la théorie du complot. Non, ah, pas vrai, il se passe rien, c'est pas un documentaire, c'est pas un 24CH, c'est rien, c'est une infopub, c'est bon, plate, ouais. Ça sert à rien. Puis, Je checkerai pas ça, je pense. Les matantes de salon, ils aiment ça. Le pire, c'est que ça passe à être bio en plus. Ginette, là, qui écoute, là, genre, samedi, strict 31. C'est qui écoute Eric Salvaille en direct, là. Ah, c'est ça. C'est ça, c'était pas mal ça, puis c'était vraiment une grosse infopub, et ce n'était pas un documentaire. Ceux qui disent comme « Ah, c'est un beau noir, ça! Ouais, » c'est un beau petit noir, ça! Fait que dernier truc, parce qu'on a fini, là... ouais, c'est l'heure, hein. Il nous reste une petite minute et demie, puis c'est Alex qui peut donner ça. Ah, quelques secondes avant d'entrer en onde. C'est un goaler dans la KHL qui est beaucoup trop relax pour la game. Fait que je vous invite à regarder l'écran. C'est pendant qu'il y a un échappé à deux compteurs, le goaler boit de l'eau en haut. Ah, wow. Ce qui est formidable, c'est qu'il manque le net aux autres, là. Ah, c'est son poche. Ça, c'est la KHL. Après, je te demande pourquoi la KHL a de la... Ouais, boy, de l'eau. Mais tu sais, comme, comment tu peux okay, être... OK, sérieux. Oh, shit! Comment tu peux être off de la game à ce point-là? Là? C'est en calice. Il regarde rien pas en tout. Là. Le pire, c'est qu'il manque. C'est bien hot. Oh, j'ai jamais vu ça, cette affaire-là, man. C'est sorti, je pense, aujourd'hui. C'est dégueulasse. Wow. Le gars, il s'appelle Soul. Ça, là, c'est comme... là, ça, c'est une info pub pour les TDA. Ou soit genre t'es trop relax là. Une annonce de Club Mad, man. Y'a des fans d'Anastie quand tu regardes ça, hein? Y'a plus de fans que... Y'a des fans comme avec le soccer ou qu'à Phoenix. Beaucoup plus de fans en Caroline. Je pourrais mettre la toune genre un air d'été tout léger, tout léger. Ouais, genre, je pourrais mettre la toune de Benny. Il a sûrement pensé qu'il y avait un icing ou quelque chose, man. Oh, le goaler, ben si. Ouais. Il était pas là, il a pas vu qu'il y a eu un face-off. Non, lui, il était en boire son eau, puis il est super gay. Fait que c'est. On était around the NHL, là, on est outside the NHL. Around and outside. Around and beyond. Around the NHL, outre-mer. Outre-mer. Hey, le timing, n'est-tu pas merveilleux? C'est excellent. On a terminé le podcast directement, mais il reste toujours le cadre à Jeff. Jeff, tu vas utiliser quelle caméra aujourd'hui? Celle-là? Ouais, plus fait qu'on va penser à tout le monde mettre la caméra pour ton call-out du podcast. Louis Morissette. Monsieur, je fais tuki, bye. Ton esti d'info pub à marde sur Piqué Souban, là, on s'en calisse. Tu t'es pris pour un réalisateur quand t'étais en chum avec ton petit côte en cuir puis ton chandail serré. Chris, tu portes pas du small, esti. Tu portes du extra large, tabarnak, ta bédaine, du Boston Pizza, là, apparaît en esti. Puis ta groupie, là, on s'en calisse de Souban. Ta petite pub, là, que tu vas y porter une pizza à l'hôtel, là, puis t'as quasiment le goût de le frencher, là, puis en plus, tu regardes la caméra puis tu dis... J'en reviens pas. On s'en calisse. T'es juste un... T'es même pas un humoriste, tabarnak. T'es un wannabe mec comique, esti. Puis tu parais mal, tabarnak. C'est ta femme qui te fait vivre, calisse. On le met de côté. C'est même pas un gars qui a rapport au hockey. Louis Morissette? Il a rien à voir au hockey à part qu'il est groupé de Subban. Ouais, c'est ça, mais c'est son documentaire que je suis pas d'accord. Bon. C'est une perte de temps pour les ondes de RDS. Tu l'as même pas écouté. Ouais, c'est parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je n'écouterai pas. Je ne perdrai pas mon temps pour ça. Enrico Ciccone. Monsieur qui pisse assis. Qui a dit ça live à radio. Alex, toi qui écoutes 91.9, as-tu entendu dire ça live? J'ai entendu parler, mais c'est pour ça qu'il parlait de ça. Il pisse assis. Ben ça, what? Ben, Enrico, c'est là, cette semaine, t'as écrit un message sur Facebook parce que quelqu'un qui a volé tes hosties de vieilles lunettes là, dans ton char, puis que tu lui dis « Ah, oh, ben la loi de Murphy, je vais y péter à la gueule. » T'es un bel exemple, toi, tabarnak. T'es agent de joueur de kit de 14 à 16 ans parce que tu voulais les aider à surmonter des obstacles pour aller jouer dans une ligue payante, hostie. T'es juste un hostie de calice d'imbécile, tabarnak. T'as perdu ta job dans les chaînes les plus à chier qu'il y a sur le monde du sport, hostie. Puis là, t'es rendu au 91.9. Puis il faut que t'écris de quoi sur Facebook, puis tu utilises des termes comme Lord Murphy, puis tu sais même pas c'est quoi, tabarnak. Je suis que ton nom, tu sais pas comment l'écrire, hostie. C'est pas des cas que ça prend sur ton prénom, c'est des C, hostie d'épais. Puis je vais finir avec Martin Lemay, tabarnak. Toi, t'es un esti de fraude, mon esti. Tu joues au poker, puis t'es même pas bon, tabarnak. En plus de ça, tu dis « Ah, Pachou a bien fait hier quand il a pas salué la foule, puis ci, puis ça. » Asti d'imbécile, check tes notes, tabarnak. Tu travailles pour RDS. Ils t'ont mis dans la jase parce que tu sais que des fonds, hein, pour les compagnies, pour les mondes imbéciles, esti. Quand t'encourages des... McDonald's font ça. Ils engagent du monde pour les encourager de faire de l'argent, puis ils ont ça des subventions du gouvernement. Toi, t'es la subvention du gouvernement pour RDS. Mon petit Martin Lemay, ton esti podcast à la merde, c'est de la petite merde. Payé, là, c'est un concessionnaire, c'est pas une marque de char, Chris d'imbécile. Alors, je prends congé en fin de semaine, je suis fatigué. Oui. OK. Fait que l'autre qui a dit là, l'affaire de la loi de Murphy, là. Ouais. La loi de Murphy, ça, c'est la loi que si t'échappes à une toast avec du beurre de pinot, elle va tomber sur le côté du beurre de pinot tout le temps, là. Ça avait aucun rapport avec ce qu'il disait. Ils ont la loi de Murphy, dans le fond, là, si jamais je te croise dans le rug mes lunettes, je vais te casser la gueule. Ça, c'est le karma, c'est pas la loi de Murphy, là. Et voilà. La loi de Murphy, c'est quand tu as tout le temps des bad luck. C'est ça. Ou une télésérie américaine qui était quand même assez drôle. C'est ça. C'est genre, c'est la pire option qui peut arriver, c'est celle qui arrive. C'est ça. Puis le pire, c'est qu'il l'écrit, puis. Tu vas pas dire ouvertement sur Facebook que tu vas casser la gueule à quelqu'un. Ça, c'est Martin Lemay qui fait ça, d'habitude. Puis Enrico l'a fait aussi. Oh, ben là, c'est une petite gang, c'est une petite clique. Une petite gang, une petite gang de clowns. De ah, mais ben on s'en calisse. Là, c'est pas ben ouais, mieux, Jeff, je trouve que tes call-outs s'en vont de plus en plus. Ah, OK, j'apprécie. Ben, ça va pas que le hockey parce que ça parle de hockey. Hey, ça, c'est supposé être nos analystes qui nous expliquent comment ça marche. Wow. C'est vrai, c'est vrai. On est intelligent de savoir ce qui se passe. Commentateur. Enrico, c'est un analyste. Non, ça va être le gars qui va analyser les games des Rockets. C'est un commentateur. Ben, il se prend pour un analyste. Ça va être Martin qui va. C'est Martin quoi qui va être l'analyste? Martin McGuire? Non. Martin Lemay? 11-9 le matin. Michel Langevin? Non, ben, il est trop chaud, Michel, mais son nom c'est Martin, mais je ne me rappelle pas son nom. Bon, lui, c'est un bon analyste. Il doit pas être assez bon si tu sais pas c'est quoi son nom. Lui qui est dans le bureau des commissaires. C'est Martin. Martin. C'est journaliste? Ouais. Martin Leclerc? Martin Leclerc. Bon, lui. Ouais, c'est un journaliste. Ah, fuck you, man. Ferme ta gueule. Puis lui, il a backé en plus Michel Villeneuve. Ouais, mais tu sais, c'est le seul qui a backé Michel Villeneuve. Martin Leclerc. C'est un journaliste de Radio-Can. C'est un journaliste qui n'est pas capable de se trouver une job dans un journal que le monde lit encore. Il travaille à Radio-Can. À Radio-Can. Le monde à Radio-Can, ça écoute des femmes en prison. C'est le seul qui a dit que Michel Villeneuve est un journaliste crédible, quasiment. Puis il a dit ce que Michel Villeneuve a dit, c'est vrai. C'est arrivé. OK. Voilà. Disons, on va terminer sur le point de mais Jeff. J'aime comment il analyse les matchs. Le point de Jeff qui a dit que Radio-Can, c'est les gens qui écoutent des femmes en prison. C'est à TVA, ce show-là que ça passe. C'est pas Radio-Can. C'est à Radio-Can, ouais, mon cher. Non. Unité 9, c'est Jeff Calis. J'écoute pas Unité 9. C'est vraiment Radio-Can? C'est Radio-Can. OK, j'écoute pas. C'est Fabienne Larouche. Ah, la tabarnak. Fabienne Larouche, c'est juste à Radio-Can. Ah, c'est donc ça. Bon, ben, OK. Je rétracte mes propos. Unité 9. Je suis allé à Radio-Can puis j'ai pas vu ça quand je suis allé. L'auberge la chienne noire. C'est filmé dehors. Ça, TVA. Non, c'est Radio-Can. J'écoute pas de télé en français. Fuck off. Moi non plus, moi je dis rien. J'écoute aucun télé. Pourquoi que je sais ça, moi? Je sais pas. T'écoutes pas de la bonne télé. Déjà, faut que je t'en parle dans le genre Z d'ailleurs tantôt de ça. Ah. Fait que sur ça, ça fait le tour, pas? C'est podcast. Ça, bye, esti. Non, fait que suivez-nous sur Twitter et Facebook. Sur Twitter, on est @soirée du podcast. Facebook, la soirée du podcast. Le prochain épisode sera le dernier de l'année 2016, je veux dire. Là, après ça. C'est cela qu'on brosse comme des démons, genre. 9 décembre. C'est tôt, hein. Mais c'est moi, j'ai parté le 10. C'est chaque épisode qu'on brosse comme des malades. Ça va te warm-upper, man. Ouais. Pour, Mais ouais, le 9 sera notre dernier parce que sinon, ça tombait le 23. Ouais. Décembre, puis je vous aime bien les fans, mais pas assez pour faire un podcast le 23 décembre, je m'excuse. Là. Moi, je suis en vacances à partir du 22, puis je fais plus rien parce que c'était mon 4e épisode de podcast cette semaine, puis je suis un peu écœuré. Ouais, hein? Je vais en faire le 5e d'ailleurs, après avec la jasette. C'est 5 dans une semaine, c'est beaucoup. Arrête, t'es capable d'être une machine. Je sais. Let's go. On se revoit dans 2 semaines pour le dernier podcast de l'année. À la prochaine, tout le monde!